En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. Hey, hey. L'alignement de départ. L'alignement de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, JF Trump. Je pense que tu l'as eu sur le pied, je le ramasse pas. Le numéro 21 qui ferme pas sa gueule, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Marc Véro. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 88, bon Alex Cromp. Bon et le numéro 31, JF Mallette. Yeah. On est sur le bord de se faire éliminer. Yeah. Yeah. Yeah. Alors, Chris, il y a de la, vie aussi. On est encore en vie. Alors, pour se situer dans le temps, pour ceux qui nous écouteraient en différé, on est après le match numéro 4 de la série Tampa-Montréal. On a gagné 6-2 hier. Première victoire convaincante du CH de toute la série de playoffs. Première victoire tout simplement contre Tampa Bay. Contre Tampa Bay aussi, oui. Ouais, la victoire la plus impressionnante du Canadien en série all around. Ouais, puis probablement une des pires games de Tampa Bay et tout en même temps. Ben, la première contre Ottawa. La pire de Béchop, parce que. Ils ont quand même bien joué Tampa Bay dans genre en général, je pense. La game 3, on a dominé. Tampa Bay. Non, mais je veux pas enlever. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas enlever. À Montréal, le fait qu'ils ont bien joué aussi. Là. Ah non, c'est sûr. Ouais, non. Fait que mais en même temps, tu sais. Dire que t'as pas bien à mal jouer, c'est trop facile. Ah, c'est pour ça que Montréal a gagné. Non, Montréal a bien joué, mais en même temps. C'est deux games, t'as pas joué pas bien. Le jeu n'a pas commencé. Ouais, mais Montréal a bien joué. On rentre tout dans le vif du sujet. Ouais, non, on est excité, là. Ouais. On va aller faire l'avant-match. Le fif du sujet. Le phénomène qui se produit en fin de saison en playoff comme ça dans le studio, c'est que 6 gars, quand il fait 30 dehors, ouais, ça sent le swing, puis il fait chaud en crise en ce moment. Puis Mart se garde dans le popcorn, c'est une première à la soirée du podcast. On va finir le podcast en chess. En chess avec du gras de beurre sur le chess un peu, puis ça huile le chess bien comme il faut. Avec des petits épices à Avant de commencer le match, des petites choses à vous montrer à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Regardez ces belles cartes là, de la soirée du podcast. Dave a tellement bien fait faire, là. Le derrière est mieux, montre le derrière. J'ai ouais, tellement bien fait faire. C'est tout beau avec toutes les. T'as bien commandé le. J'ai bien commandé ça sur Internet. Ça, c'est la batch fucking. Hein. Ouais, c'est la batch fucking. Tout le monde la batch, batch fucking. Oh, mais on s'en crisse de ça. Là. Puis on a aussi des excellents. Des excellents sous. Non, des excellents sous-verts. Waouh, ça sonnait en plus de tout. On s'en vient pas, ouais. Hey man, poteau. On va ouvrir une section boutique sur le site. Oh, super. On va vous vendre des cartes d'affaires sur le site. Ça sent bien. Des sous-verts. Des tasses. Hey, j'étais en train de faire des tasses. Des t-shirts. Comme faire décolorer les miennes aussi dans la vaisselle là, on va faire des Le gars du pool, il nous a-tu contacté? Ouais, on a reçu sa taille de chandail. D'ailleurs, tu vas recevoir ton chandail d'ici le début de la saison 2015-2016. Hey, attends pas après parce qu'on a des prix à se faire faire. On va t'envoyer d'autres cadeaux et tout. C'est là. Ça, certains qui nous ont contacté, ils ont envoyé une mise en demeure. Yeah. Fait que ouais, tu vas recevoir ça d'ici le début de la saison, ainsi que des sous-verts promotionnels la soirée du podcast. À ce qui paraît, tu vas recevoir ça. Va avec Dave va en faire. C'est normal, c'est normal. Il y a des rumeurs. Je le check est normal. Fait que attends pas après. Avez-vous des choses à discuter avant de commencer le show? Je sais pas, fais chaud en tabac. Fais chaud en tabac. Let's get it on. On va passer à la période. Ça va durer 30 minutes, ce podcast. Bon, fait qu'avant de commencer vraiment là, parler de la série Tampa-Montréal, quand on s'est laissé, c'était 3-2 contre les Sénateurs. Ouais. Il n'y a rien à arracher vraiment sur le fait qu'on a gagné. On les a éliminés les Blanches. Yeah. Boom! Je pense que le lendemain de l'enregistrement, deux jours après, on a gagné. Ouais, puis la fameuse affaire de Price, là, que ça, yeah! Ouais, Price qui rentre au vestiaire. C'était un pénal. Yeah. Ça, c'est vraiment cool. Les taux nord. Oh, c'est cool. Puis cette game-là était due pour finir. Là. La dernière minute, c'est qu'il fallait qu'elle finisse cette série-là parce que ça s'en allait pas. Ouais, bon c'est lui qui a volé. Lui qui a volé le show. Il y avait tant des mises en jeu tout le temps dans la zone. Tu disais, tabarnak, il va avoir un mauvais rebound, man. Ça va rentrer. Maintenant, Chris, il a fermé la porte. La plus longue dernière minute là, de l'année. Elle était fatigante. Puis cette série-là était due pour finir. Puis elle aurait dû finir avant, Chris. Puis on étirait ça. Puis ça arrêtait pas d'arrêter. Il y avait tout le temps des hosties d'arrêt de jeu. 4 secondes. On dégageait à rondelle, refusé. Ouais, mais c'est tout le temps même. Hein, fin de game, c'est les trois dernières minutes, c'est ça. Là. Bah, c'est il n'y a pas le choix de faire ça. Numéro 14, il n'est pas capable de la sortir. Oh, tabarnak, tu commences tôt. Bon, là, on va tomber dans la série contre Tampa, justement. On va y revenir. comment avant pas le dessert en partant l'entrée le plat principal. Fait que je pense que le but aujourd'hui ça va être d'essayer de comprendre pourquoi le Canadien a joué si mal contre Tampa puis qu'on s'est rendu 3-1 en ce moment. À cause du numéro 14 peut-être. Mais je vous propose avant ça qu'on écoute deux analyses nous venant de TVA Sport pour bien commencer le podcast. Tout d'abord, ça c'est professionnel, on paye pour ça. On paye pour ce poste-là. Alors tout d'abord, on écoute les commentaires de Théo. Quand on patine, on gagne nos batailles, qu'est-ce qui arrive? On a réussi à commettre faire Tampa Bay, avoir une punition, et puis il faut tout simplement gagner nos batailles. Faire Tampa Bay, avoir une punition. Allez voir ça sur notre page Facebook de ce podcast. Théo qui se ferme les yeux de découragement en parlant parce qu'il n'est pas capable de parler. Il est déçu de lui-même. Faire Tampa Bay, avoir une punition. Ouais, là, il a rempli une chaise. Il y a un curse là, sur la chaise. Ouais, ouais, puis ouais, l'autre qui est sur cette chaise-là, normalement. Ça, c'est comme le numéro 17 à Montréal. Ouais, il y a un curse. Il y a un curse. Bon, je pense qu'à la poste, il y a un curse tout court. Ouais. Bon, ben justement, on va aller voir dans un autre chroniqueur de TVA Sport, voir si c'est mieux. Alors, voici du côté de Brisebois son analyse. Mais ceci dit là, il faut absolument là, le Canadien là, il faut quand on est battu, quand on se fait battre là, ça prend là, pourquoi qu'on s'est fait battre? Parce qu'on n'a pas assez travaillé fort, on n'était pas premier sur la rondelle. Alors, il faut s'asseoir le dire, il faut, qu'est-ce qu'on n'a pas fait lors du dernier match? Bien, il faut le faire ce soir. C'est tout simple. C'est tout simple que ça. Alors, ça, les fans, moi, là, je suis sûr que c'est fait flasher par le Canadien. Il essaie de dire quelque chose. Il y a une fille qui peut-être a montré ses alors, moi, je pense qu'elle a entendu quelque chose. Il a fait comme. Ça l'a tout fucké. Alors, ma question aux fans de la soirée du podcast, qu'est-ce que vous préférez comme analyse? Théo, Brisebois qui sont payés ou 6 gauchos? Moi, je pense que les 6 gauchos sont plus cohérents. Ah ouais, ma question aux femmes de la soirée du podcast, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Brisebois réagisse comme ça? Qu'est-ce qui l'a rendu si nerveux? Il s'est fait flasher. Des commotions cérébrales. Moi, dans sa tête, c'est un petit singe avec des cymbales là, qui. Moi, je suspecte fortement là, qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans son headset et disait Brisebois, t'as comme une crotte de nez. Il n'y a pas de vocabulaire. Ben, non, mais c'est pas un gars de communication. Il n'y en a jamais eu. C'est pas un gars de communication. Non, mais c'est ben là pour le Canadien, là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu peux mettre des calices de journalistes à la place des journalistes, à la place des astis de joueurs de marde qui sont pas capables de parler. Pas beaucoup, par exemple. Il y en a, mais c'est limité. Puis, Chris, faut que tu choisisses. Ben, puis, tout est plus articulé. C'est comme Denis Gauthier, correct. Ben, avant même de ouais, Gauthier, là, ouais, ça a pris du temps. Ben, ça a été long, Gauthier. Là, parce qu'au début, encore Gauthier. Gigaille est correct. Au début, là, Gauthier, là, il y avait l'air. Là. Bruno Gervais, il est où? Il est à TRDS, Bruno? Il est RDS. Ben, au début, Gauthier, là, il y avait l'air comme d'une poupée que tu craignes pour qu'il parle. Il avait l'air vraiment wabo, je trouvais. Puis là il est rendu. Est bon, là, il est dans son prime. Il est bien wabo. Il se débrouille. Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans qu'il est à TV. Patrice, là, pauvre gars. Ben, c'est Théo, là. C'est 10 ans qu'il est à TV, ça fait 3 ans qu'il a arrêté de jouer au parce que TVA sont tellement en mal d'avoir un plateau fourni, on dirait, là, puis d'aller chercher tout ce qu'ils peuvent, qu'ils ramassent. Ce qui lui tombe, c'est ah, vu, même le gars, on a un chat là, nous autres, quand un moment donné, à l'entrée, il parlait, là, il disait de la merde. Ouais. La caméra, t'es même pas centrée, c'est le bureau. T'avais le trois quarts du bureau dans le centre de la caméra. Puis. Ouais, ils font ça souvent. Un huitième du bureau. Tu sais comment que la loge est faite. Ils reviennent de la pause, puis là, c'est centré. Ça veut dire qu'il y a un gars qui a allumé. On n'est pas cadré. Côté mise en onde, TVA, c'est terrible. Des fois, le commentateur parle, mettons, Louis-Jean Cormier parle, là. Puis pendant qu'il parle, il dit « Nous revenons sur les ondes de... » Puis ça s'en va une pause. Ouais. Hier, c'est la pause. Puis tu sais, t'as le gros en direct qui parle avec Chicone. Enrico commence à parler. Il monte une vidéo, puis le son du vidéo était plus fort que la voix d'Enrico. Je l'ai vu, ça. T'entendais rien de ce qu'il disait. Je suis comme « Tabarnak, la mise en onde! » Il y a comme plein de bugs. C'est n'importe quoi, là. On fait le meilleur job ici avec une caméra. Ouais, c'est ou souvent, coupe pas ça avant, t'entends Renaud encore parler en bas. Ouais, Renaud, là, c'est un autre, ça. Éric Lavallée, les gars, je l'ai dit. Qui? Éric Lavallée. Qui ça? C'était un des réalisateurs qui s'est fait coller dehors. Ah, ok. Ben tu vois, il s'est fait coller. Il était bon ou il était pas bon? Puis c'était aussi mauvais. Non, il était pas capable de suivre le rythme. Le rythme? Ouais, mais là, il suit la rythme. Pas capable de suivre la rythme précis. Pas capable de suivre la rythme. C'est qui qu'ont engagé, là? Du bois mort, man. Bon, fait que là, j'ai un peu TVA Sport et revenons. C'est pas compliqué, il y avait de la rip. Ben juste en parlant de TVA Sport, là, TVA Sport, là, la fiche est pas bébé gagnant du Canadien depuis les playoffs, là. Perte. 19 millions, man. Ouais. Son travail est engagé comme analyste. Ils sont en perte de 19 millions. Un autre qui s'exprime bien. Michael Lancette. Non, Michael Bournival. C'est un gars qui a une belle voix, belle voix radiophonique. C'est lui, le gars qui a la voix quand je parle. Je me fais un steak. Lui, il a la langue collée dans le palais. Ça serait même pas surprenant qu'on le voit. J'ai oublié d'envoyer l'affaire de Yvon Penneau, man. T'étais-tu là, toi? Ouais, tu veux le montrer. C'était écœurant. Ah, c'est merveilleux, ouais, man. Faites-nous, là, je sais pas, il sortait d'une grippe ou il sortait, je sais pas de quoi. La même grippe que le petit Darnay. C'était vraiment, là. Je l'ai écouté 10 fois, j'ai rien à jouer. Je l'ai sur mon sel. On essaiera dans le dos pendant longtemps. On le mettra dans le micro, peut-être, le voir, là. En tout cas, pour l'instant, on va commencer avec la série qu'on ne t'aime pas. Alors, oui. On fait-tu nos plus et nos moins pour ça? Même s'il va y avoir beaucoup de moins. On est prêts, là. Essayons d'y aller avec nos plus, d'abord, pour commencer. Start-moi pas! Moi, start avec des plus, Dave, justement. Là, ta parole, vas-y. La série, pourquoi, là, tu... T'aimes pas Montréal. T'aimes pas Montréal, OK. T'aimes pas Montréal. T'aimes pas Montréal. À moins que tu vainques, là, le dernier match contre les Sénateurs. On commence sur nos plus, là. On a encore pas le droit de prendre Price. Y a-tu? Price est numéro 1. On a pas le droit de le prendre. Pas le droit de prendre Price, c'est sûr, ça va être lui. Mais c'est pas le droit. Parce qu'il est à côté toute la saison. S'il y en a juste un, Chris. Trouve-en un autre. Il y en a pas d'autres. Donner mon bus, ça me jette rien. En vrai, je vais dire mon plus, je vais le donner à elle. Okay. J'aime pas Thierry, là, qu'on t'aime pas. Je suis d'accord. C'est un des seuls que je pense sur le temps de même qui pourrait l'avoir. Bizarrement, ouais. Il y a Petrie, tout Petrie. Petrie, pension. Jeff Petrie. Petrie. Je pense que ça va être là. Moi, je pense que. Ben, Gallagher. Gallagher, Ben oui. Bon choix des bons. Ben oui. Le gars, là, il travaille tout le temps à face collée d'un poteau. C'est ça, le gars qui never gives up. Ah, il vaut son pesant d'or. Ah, ça, c'est bien dit. Ouais. Absolument. Moi, à part. Encore pendant 10 ans, hein, mec? Il m'a dérogé, là. Juste pour foutre la merde. Ah, dérogé, ah, vas-y. Des Pascal aussi. Non, pas. Pour vrai, là, je peux l'admettre. Si tu gagnes avec une série de calices de merde. Ok, fait là, toi, tu fais comme tu mets la table, là. Tu fais ton parfum. Non, ben, je veux juste comme vous dépomper un mais peu. Là, il commence par pas pomper. On est pas pompé. Il commence par mettre le couvert. D'autres, on est des shooters. Je l'aime encore. Je l'aime encore, les gars. C'est correct, on respecte ça. Mais je vais le donner. Nonobstant d'un fait qu'il y a. Je prendrais par derrière. Hey, voyez le tabac. Ah, je sais que si tu vas prendre. Nonobstant, je sais, tu vas prendre le numéro 8. Un événement. Je vais prendre Prost pour une chose. J'aurais dit parce Prost aussi. S'il y a un joueur qui a le goût de gagner dans le club, ben c'est Prost. Hey, ça là. Ouais, mais, oui, mais moi, mon deuxième choix, c'était Prost. Puis je vais dire pourquoi. Parce que Chris. Moi, là, même nonobstant, là, nonobstant, le style geste qu'il a fait, là, c'était de l'émotion. Puis, man, c'est le seul tabarnak de joueur dans la chambre qui a montré de l'émotion. C'est pas l'émotion, c'est juste l'espèce de drama autour de ça, c'est une tempête de vin d'eau. De distraction inutile. C'est de l'émotion. Oui, c'est de l'émotion, mais c'est devenu une tempête de vin d'eau. C'est ça, tu sais, le pitchage de la guerre. Oui, mais sur le coup, il réagit émotivement. Et moi, c'est ça que je veux. Voir un joueur émotif parce que ben, c'est un asti, je l'ai dit, c'est un asti de club moribond, man, asti qui fait rien, asti, il n'y a pas d'émotion. Prost, les deux, un gagnant, les deux il veut gagner, ouais, il va tout faire pour gagner, puis il va faire de la merde, mais lui, il veut gagner. Ouais. Puis moi, je donne mon plus pour ça. Parce que t'as de la gueule, t'as du chien. Ben, t'as tant goût tant de qu'il a donné son gueule, plus, t'es parce que moi, je l'ai donné mon gueule, barbe. Une belle gueule. Ben, je donne mon plus à Prost aussi, moi. Moi, ouais. C'est un bon Alors, je suis entièrement d'accord, puis sa gouffe qui a fait, oui, c'en est une. Bon, moi, mais c'est quoi? Il s'en est crissement bien sorti. Puis il a tout fait son mea culpa, puis c'est correct, asti, puis gars. Je pense que les gars, ils ont compris que ce gars-là, il a pas voulu comme. Se placer là, au l'équipe. Devant là, les de l'équipe. Gars, on sort des beaux termes. Hein? Nonobstant. Asti, hein? On est professionnels. On a plus de vocabulaire qu'à TVA Sport. Moribond, mais on est bon. On va tous se pogner des jobs à TVA Sport. Pour vrai, là. Engagez-nous. Ça se peut qu'on se fasse repêcher. Puis Prost, il est au cœur genre de toutes les meilleurs plays quasiment. Depuis le début de la série. Là. Meilleur play, ben là. Ben oui. Prost, il y a énormément de temps de jeu. C'est un des gars qui génère le plus d'attaques. Il doit avoir dans le plus d'occasions de marquer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de main. Non, mais il y a. Ouais, mais il grind, calice. Son équipe est tout le temps placée bien correcte parce que c'est une des seules équipes qui sont capables de rentrer dans les. C'est lui, Heller, puis Delarose. Mais il y a tellement de temps de glace, là, c'est quand même. T'as rien, il fait confiance. Mais oui, mais Chris, il est tout le temps. C'est l'énergie qui donne dans la glace. C'est le seul trio. Qui marche, là, je vois Jeff qui est en train de se pomper. Là, il est en train de. Il vomit dans sa bière. Il attend juste comme. Il se craint le manique, il va exploser. Il va exploser. Il va fermer ma gueule, mais tu vois, même. Enlève-y. Il m'a donné mon moi, je pense que pour de vrai, il est pas vous exagérez un peu. Là, mais je suis pas prêt. Cale ta bière, Jeff. Non, Jeff, c'est ton tour de faire le plus. Il est bien bon. Ouais, vas-y. Ben, le plus, je suis d'accord avec Dave pour Brandon Gallagher parce qu'il travaille très fort. Puis c'est lui qui a compté des gros buts dans la série malgré le fait qu'il compte pas pantoute. Puis je donnerais mon plus aussi à Tokarski parce que c'est le seul sur la glace qui a fait une calisse d'erreur dans la série. Non, sérieux, j'ai eu raison, je pense. Price, on n'a pas fait bien non plus. Non, Price, on peut pas le blâmer parce qu'il est tout seul. Fait que c'est pour ça que vu qu'il y a toujours un plus, je le laisse à part des autres. Ben non, mais Price, pour ce Price dirait, on peut plus le toucher. Là. On peut plus le toucher. C'est intouchable. Tu sais, c'est pas évident, là, gauler quand t'as pas d'équipe devant toi. Fait que bon courage à Price. Puis pour Tokarski, mais à part avoir l'air genre gentil sur le banc, là. Il mérite mon plus. Je suis sûr qu'il donne des bonnes tapes sur ses fesses quand les gars passent. Genre, ah ouais. Comme, ouais. Tokarski? Ouais. Vas-y, Alex, d'abord. Que j'ai bien attendu. Moi, j'ai dit, Heller. Heller, ouais. Ben, je le donne à Heller, puis il y a Gallagher aussi. Je vais aller à la 3. Non, je suis d'accord avec toi pour Heller aussi. Heller, c'est un très bon choix. Mais tabarnak, Heller, c'est ton liste. C'est ton plus de l'année. Heller, il a été obligé, hostie, de se faire rincer par terrier à la dernière game. Ben, c'est la dernière. OK, il y a juste la dernière game. Parce qu'il a fait un mauvais play, mais après ça, il a tellement grindé qu'il a un échappé. Mais sérieusement, il fait fuck all, man. C'est de valeur parce que. Il aurait pu rincer un paquet de monde. Heller, gagne ses mises en jeu. Ben, c'est moi qu'est-ce qu'elle fait à part de tout. Ben, tabarnak, en échec avant, il est excellent. Yeah. Là, son trio tout en zone de tempo. Ouais, il joue avec Prost. Il y a combien de passes? Il y en a plein de passes. Combien? 3? Ben non, il fait à peu près, je sais pas, moins 70 passes par game. Ouais, c'est ça. Non, des passes sur un but. Ah, mon Dieu, on a la misère à scorer. Il n'y a pas un tabarnak qui a une passe sur un but. Ben, c'est ça, je te dis. Ben non. Non plus. Le travail de Heller. Il fait le même job que Prost. J'ai expliqué l'autre jour quand tout le monde riait de moi et que finalement, vous êtes tous excusés. Heller, sa job, c'est d'empêcher l'adversaire de marquer des buts. Ça, c'est la philosophie du Canadien de Montréal. Empêcher l'adversaire de marquer des buts. Ils ont oublié qu'il fallait compter aussi une fois de temps en temps. Ben, c'est ça le problème. Mais Heller, à part de ça, son différentiel, là, il n'est pas dans le négatif. Parce qu'à date, je te rappelle qu'on est 3-1. C'est ton expression que t'aimes. C'est pas faute à Heller. Heller, il joue dans le bottom 6. Moi, GF, je vais dire une autre affaire, là, c'est que être bon sans la rondelle, God, est-ce que j'aime ça, cette expression. Ben, j'espère parce que c'est la philosophie de Bergevin et de Terrier. C'est mieux d'aimer ça. C'est la philosophie. Ça va être de même pendant tant et son temps qu'ils vont être là. Non, t'as peu. Bergevin arrive de Chicago. Puis là-bas, c'est pas une philosophie de on est bon sur la rondelle. Là, c'est une philosophie, ça se C'est drôle parce que Bergevin, je pense que le trois quarts des joueurs que tu as cherché, c'est tous des défenseurs 6-7e. Tu sais, c'est 6-7e. Ouais, mais il veut. On divague, là. Hey, les boys, les points dans l'équipe, OK? Mais bon, là, Pacioretty, il est rendu avec 6 points. Là, mais écoute, avant la game de jeudi, il n'y avait pas 6 points. C'est pas moi qui me donnais plus à l'heure. Tu devais respecter le choix, Alex. Les points dans... C'est ouais. Alex qui a donné le c'est moi plus à l'heure. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord. C'est pas toi. C'est trop de monde qui parle en même temps. Les boys, le nombre de points présentement. Pacioretty, premier, 6 points. Gallagher, deuxième, 4 points. Galchenyuk, 4 points. Prost, 4 points. Plekanec, 4 points. Mitchell, 4 points. Dernier 3. Heller, 3. Ils ont tous fait leurs points hier. 3, ben, Galchenyuk a fait 2 passes. Mais avant la game d'hier, les premiers, c'était genre Pacioretty, Prost, Mitchell, Flynn. C'était genre ces noms-là. Heller, c'était ces noms-là qui sortaient là, avant la game d'hier. Le top 6 est dégueulasse. Mais je sais pas pourquoi tu chies sur Heller quand il est sur le trio de Prost puis c'est le meilleur trio du Canadien. Non, parce que... Heller, écoute, qui Heller, la mise au écoute, jeu pour écoute, pouvoir ben, se rendre écoute, dans le fond. Ben, écoute, Alex, Heller, je suis capable d'y donner. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sur une troisième ligne. Je veux pas chier dessus, mais de là, il donne un plus. Ben, tu donnes le plus à Prost qui est sur la même ligne, man. Non, parce que Prost, là, ça, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de ça. Puis, sais-tu quoi? Je sais que Prost. Au-delà de quoi? Parce qu'il avait fait ses goals et il a montré de l'émotion. Non, non, parce que Prost, là, c'est tu peux être sûr d'une chose. C'est juste ça qui fait la différence. Attends, Alex. Parce que Prost, c'est sûr d'une chose, c'est que lui, c'est un gars qui parle dans la chambre. Puis, c'est un gars que quand il va dire de quoi, puis il va caler de quoi. Là. Dans la chambre, tu sais pas, man. Là, je suis sûr. Pour ça, tu donnes ton plus parce qu'il parle dans la chambre. Viens dire que Prost parle pas dans la chambre. Viens me dire que Prost, c'est pas un joueur. On sait tout, on regarde tout. J'ai dit que c'est le meilleur joueur. J'ai dit les plus pour les games. Je te dis pas le type de joueur qui est. Si Prost parle pas dans la chambre. J'ai dit ça, c'est ma napkin. Commence dans la caisse. Non, mais gars, Alex, je peux juste te dire une affaire que d'après moi, Prost rassemble plus de monde dans la chambre que Plekanec, que Pacioretty, peut-être Prost Subban, je pense que. You're off Prost, Subban. Plus ou du moins. Subban, on parle pas du type de joueur que tu préfères. Écoute sa musique. Prost, il rassemble les journalistes autour de lui. Je pense pas que Subban rassemble du monde. Ouais, mais Subban, je pense. Non, t'as peu. Je pense que Subban, il est bon pour rassembler, pour faire le call dans le style comme qu'il a fait la game à tempo. Les ménagères, resti, man. Non, je pense que Subban est capable. Il y a cette influence-là, c'est parce que l'affaire qui arrive avec Subban, c'est qu'il est capable de livrer à marchandise. D'accord, ouais. Ah, oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, on s'entend. Oui. Okay. Ah, non, mais they're wrong. Bagarre, ok, moi, rapidement, on va donner mon plus à Jeff Petrie. Devrait être la première signature de Bergevin cet été, Jeff Petrie. Oh, yeah. Je suis d'accord avec ça. Bon, ouais. Priorité numéro 1, Jeff Petrie, s'il vous plaît. Jeff Petrie. Voilà. Ouais. Allons-y avec mon moins. Ah, mais t'as un peu, t'as Galchenyuk et tout, là. Mettons qu'il mérite pas. Il est restricted. En tout cas, on divagera pas, excusez-moi. Non, on va faire un post-mortem, ça. De toute façon, d'ailleurs, il y a un contrat de transition cette année. Qui mange la merde. Hier, on se préparait à faire le post-mortem. Aujourd'hui, on était vraiment fourrés par la victoire du Canadien. On s'est dit que c'était trop défaitiste de faire un post-mortem pendant que le Canadien n'est pas encore éliminé. Même s'ils vont peut-être perdre demain, là, mais on ne sait pas. It's not over until the fat lady sings. Ça, c'est demain que ça se passe. C'est Ginette, demain. C'est ça, c'est fini. Donc, si jamais... on va faire un post-mortem, whatever, là, puis on sait juste pas quand. C'était déterminé. C'était déterminé. Peut-être que ce sera après la fin, quand la coupe va se gagner. Là. Fait qu'allons-y que nos moins. Bon, avec Dave. Garochez-vous pas tous ces moins. Il y a moins par personne. Quoi? Ah, les moins? Ouais. Hey, t'as peu, commençons par mallette. Ouais, Jeff, c'est juste son gros doigt. Fait que tu te fais un curl out, Jeff? Ben, attendez. Avant de parler, là, j'aimerais qu'on prenne 5 secondes de silence. Ok, vas-tu tout caler ou... Non, je m'en garde pour tantôt. Ok, c'est bon. Je vais commencer par... Tu t'en vas faire quoi, là? Prendre une gorgée pour dire ce que je vais dire, parce que vu qu'on est sur le vif du sujet, mon premier call-out, c'est Brandon Prost. Il aurait dû fermer sa calice de gueule dans la chambre, sacrement, asti. Il a mis les arbitres contre nous autres, calice. Si on aurait un capitaine dans la chambre, le capitaine aurait été loin, puis il aurait dit « Prost, ferme ta gueule, va te crosser dans la douche, puis reviens demain matin, asti. » Ce qu'il a fait, c'était pas correct. C'était pas correct, mais pas en tout. On a donné 4A, asti, Plekanec. J'en parlerai pas tout de suite parce que je sais que tu vas dire bien des affaires. Markov, esti, qui a plus d'angle dans son stylo. Pacioretty, lui, il est juste bon pour faire des hamburgers au McDo. Puis Subban, il est juste bon pour parler des filles que Julie Snyder a fourrées, esti, pendant son passé. Non, mais sacrement, esti, si on aurait capitaine dans la chambre, Prost aurait fermé sa gueule. Hey. Il aurait été de se calmer. Puis excuse-moi, mais Holloran, l'arbitre, là, qui l'a traité de... Ben, le gars qui arrache les cœurs dans Indiana Jones, ça? Tabarnak, trompé. Brad Watson, là, s'il aurait... Il dit plein d'affaires méchantes sur lui, là. Oh, c'est comme God, man. All around. L'esti de zébré, all around, c'était l'arbitre. De l'émotion, esti. De l'émotion. C'est ça qu'on veut voir. Il y a une boule de mouche. Moi, là, un gars qui a de l'émotion, là, c'est un gars qui a à mettre dedans, tabarnak. Ben non, mais. Oui, hey, Maurice Richard, il avait de l'émotion, puis il a collé ça. Ah ouais, mais Chris, ça, Maurice Richard, tabarnak. Il a ménagé un collier. Il l'a pas géré de la bonne façon. Non, il l'a pas géré de la bonne façon, au Prost. Ouais. Premièrement. Non, je suis pas d'accord. Les si mangent les raies. Fait que tu dis si on aurait, ça se dit pas. Ah oh, ben là, ça. Deuxième mois, les profs des yeux. Hey, moi, j'apprends nous à craquer nos voix. Parce que moi, je vais avoir une job à TVA Sport. Fait que je corrige le monde. Deuxièmement, en tout cas, tu pas dans la chaise à Théo. Ah, ok, les noms, deuxièmement, Jeff. Pète pas des coches à même, il fait déjà assez chaud ici. Je pense qu'il y a 5 degrés de plus. Attends, j'en ai deux moins. Il y a 27 dans le studio. Non, t'as droit à un moins. C'est en masse. Mon deuxième, c'est très important, par exemple. Attends. C'est un autre call-out, tu sais quoi? Wow, là. Je le callerai pas dessus parce que je vais le garder pour tantôt. Il y a pas de garde-nous ça, la genre de petite cerise ce Sunday, là. Je vais dire Plekanec. Ben non, pas Plekanec. Je vais le laisser à moi, Plekanec. Moi, je vais caller out David Dernais, sacrement, asti, avec ton look de. Il y a 5 pieds 8, esti, pis faut bien dessus. J'aurais pu faire le call-out si vous voulez aussi, mais je m'ennuyais. Le soundboard est revenu cette semaine. Non, là. C'est correct. Parce que David Dernais, avec son look là, de Mofford & Son, avec ta crise de vieille barbe, sacrement, là, il n'y a pas eu de gastro, il n'y a pas eu de grippe, il est allé saouler sacrément. Ah, regarde ça de la deuxième GF. En tout cas, bref, là, je le call-out parce que je trouve pas ça correct ce qu'il a fait. Il était selfish. Deux gars selfish, deux crises d'imbéciles, sacrement, asti. Mais pas faire la craque. Quand t'as un gastro, là, que après ça, je m'en vais à l'hôpital me faire irhydrater. Come on, asti. Irhydrater. Avec gris, c'est calme. Ça, c'est l'irrigation. Tabarnak. Hydratation. T'as pas le droit de te irrigater de même, Jeff. Ah, mais après, tout arrive en même temps. C'était pas fini. Ok, moi, mon moins, là. Mon moins, là, c'est les unités spéciales en général, asti. Le power play, puis le désavantage numérique. Dégueu. Las, les deux. Vraiment, là, ça, c'est depuis ça. La date limite des transactions. Je suis pas d'accord, moi. C'est quoi son nom, Lacroix? Non, je suis pas d'accord. Lacroix.com, le penalty kill a plus de buts que le power play en ce moment. Ouais, mais attends un peu, là. Quoi? Le penalty kill, ouais, on a plus de buts que le power play. Ah, ben, tabarnak! C'est pas vrai, c'est égal. Ah ouais, ça remonte à cause d'hier. 2-2. Non, mais attends un peu, là. Vas-y, Dave. Le penalty kill depuis la date limite des transactions, je pense qu'on est en bas de 75%, une affaire de même, là. C'est terrible. On est passif. Non, mais on est passif. Dégueulasse. Les gars, ils rushent pas, les gars, vers la on boîte. On est dégueulasse. Ils restent tout le temps en boîte. Non, mais ils restent tout le temps en boîte. Ben ouais, mais. En powerplay, ben on est aussi dégueulasse parce que là-dessus, tout, on est passif puis on tire dans le plastron, quoi. Ouais, non, je sais, mais. T'as-tu remarqué en piqué, on bouge pas, on va pas vers les portails de la boîte. Non. Les gars, attendez, là. De toute façon, une belle pas stratégique. C'est moi qui ligue le show. Ouais, mais c'est plus dans le cas de hey, monsieur Bros qui est bon dans le vestiaire. Okay, attendez là. Ben, c'est bon, j'ai oublié. Le snatch, t'es en deuxième. Là, on fait le tour des mois. Il est bon dans le vestiaire parce qu'il est allé se crosser justement pour sortir la stime. Dave, t'es benché. Il a dit moins que les moins qui restent là. Tout le monde sauf Dave puis GF. L'arbitre m'a traité tous de pute. Laissons Mart parler. On fait le moins va directement à. Andrei Markov. Mais comment Mark, il se pop des piles pendant la game. Markov, il se pop c'était pas correct pour jouer. Puis gars, attends un peu, je vais faire un moins double, sti. Oh. Pacho, c'était pas correct pour jouer, man, là. Reste donc dans les estrades avec des roteux, Chris. OK, si tu joues à moitié, je m'en calisse. Moi, je veux un gars qui joue en playoff, qui joue 100%. Tu vas faire quoi, si à tu place, joues Mark, pas 100%. Si tu vas mettre un gars des Black Ace. Quoi? Hey, man, anyway. Oui, Chris. Non, oui, non, oui, t'as qu'à ça, c'est quoi? On avait Yuppie. Oui, parce que moi, un gars qui rentre pas dedans puis qui va pas dans les coins, qui sort pas fort avec le puck, là, ben fuck off, man. Si ton top 6 marche pas, là, c'est parce que ton meilleur scoreur de l'année, là, il joue pas, man. Il joue pas. C'est-tu parce que t'es blessé? Ben reste dans les estrades, man. Je suis pas d'accord, man. J'en veux pas à moitié, moi. J'ai besoin juste pour peut-être le but qui va t'amener une fois de temps en temps, comme hier, en désavantage. Ouais, mais ça va être une fois en combien de games? Pas grave. Une fois de plus que ton c'est gars bon, anyway, plus que Markov. OK, on va se le dire. Markov, anyway, c'était mon moins des moins. Markov, tabarnak, on l'a encore pour 2 ans. 5 millions, il est fini. C'est un gunshot d'avenir. Markov, il est pas fini en saison. En playoff. Tu le benches comme t'as benché Gunchar. Il est ultra slow, man. Il a les deux pieds dans le ciment. Il est fatigué. Je suis d'accord qu'il est fatigué. On est en 12e ronde de série. On est tellement pourri en défense, Chris, qu'on est obligé de le coller tout le temps là, sur la glace. Il joue ben trop de minutes. Je suis même pas à quel Dieu me voue. En réalité, là, il devrait même pas jouer le nombre de minutes qu'il joue. Mark, t'as 3 bières de la misère, man. Il a joué ben trop, ce gars-là. S'il était 3-4e défenseur, il jouerait bien moins que ça. 3-4e défenseur à 5 millions, aïe aïe. Emeline, il gagne 4 points. Ouais. Je sais pas. Ben, ça coûte il joue de la minute. Défenseur. Il joue de la minute. Il joue moins que Markov. Je m'excuse, mais man, il n'est pas au niveau de Markov encore. Moi, je vous annonce qu'on a un problème. Un à la fois, là. On entend rien. Le problème avec Markov, c'est que toute l'année, il a joué au-dessus de 25 minutes avec Subban. Le gars, il est fatigué. Il est plus capable. C'est ça, c'est une mauvaise gestion de la part du coaching staff. C'est pas un gunshot. Gunshot, il est pire. Mais il sent bien de là à dire qu'il est fini, je suis pas d'accord. Il est pas fini. Souban, là, c'est un futur gunshot. Il peut plus prendre. C'est normal. T'as-tu vu le nombre de minutes qu'il joue depuis le début de la saison? Il peut plus prendre ce nombre de minutes-là. Amène la relève. Il y en a pas qui sont prêts à prendre le temps qu'il fait. Par Stamkos, il peut plus faire ça. C'est clair, mais donne le temps qu'il fait à un autre joueur. Il y en a pas un présentement qui est capable de prendre. Je mettrais Petrie, man, avec Subban. Ouais, mais là, c'est ça, Petrie, il est droitier. Oui. Il est droitier. Petrie, oui. Ouais, mais Jeff, rendu à ce niveau-là, là, droitier, je m'en calisse. Sérieusement, Gilbert, là, il est droitier, joue à gauche. Il est capable de se replier en défensive rapidement. Non, tu vas du côté de ton bâton. Il y a plein d'équipes qui font ça. Plein d'équipes font ça, Alex. Plein d'équipes font ça. Ouais, mais si tu peux l'éviter, tu l'évites. Des mismatchs, il y a plein d'équipes. Ouais, mais passons tout de suite à le faire. Mais Chris, donne-moi des exemples. Hey, on a eu. On a eu un petit plein. Ça, tout à Montréal, pas parler. C'est mon moins. Non. Attendez, là, il y a comme... On a tout à la cune de droitier à Montréal. Là, maintenant, on avait juste deux. Puis ça a bien marché. Là, il y a 4 conversations en même temps. Là. C'est ben trop n'importe quoi. Alexandre, ton moins. Ah, c'est à moi. Oui, c'est ton tour, là. Je pensais qu'on m'oubliait. Non, moi, je t'ai pas oublié. Là, fermez vos gueules. Tu vas faire mon intervention. Ah, c'est bon. Quand je vais avoir fini, vous pourrez parler. Mais là, fermez vos gueules. C'est-tu quoi? Si Jean... Hey, t'as fermé ta gueule! J'allais dire, man, c'est cool, là. J'ai pensé de donner à Markov parce qu'il y a vraiment plus de gaz dans le tank, là. Il est vraiment sec. Ouais. J'ai pensé le donner à Galchenyuk parce que je trouve qu'il c'est décevant. C'est vraiment décevant. Je trouve que c'est décevant. Il est en peine d'avoir. Je suis déçu. Au dernier game, il a bien joué. il s'est débrouillé, il a fait un petit peu de jeu, c'était le fun de voir bouger ses mains, mais je trouve qu'il le fait pas assez, il est trop statique. Mais je vais le donner au power play parce que le power play, c'est trop là. Ouais, mais j'ai ouais, ouais, là, t'es rendu où là? Non, non, mais hey, c'est un là. Je faisais mes nominations puis le grand gagnant, ah non, c'est correct, le power play. Hey, les nominations sont moins que chez vous. Dans le pre-show là. Regarde. Moi, je vais faire mes. Je vais en nommer trois, ça va durer moins longtemps que vous autres qui vous ostinez okay, comme bon. Des hosties de pie. Moi, ça fait longtemps que j'ai fini. Hein. Le power play, parce qu'il est statique, il est prévisible. Puis la seule affaire qu'on fait, on joue à l'extérieur, on passe à Subban à la pointe. Subban, il fait un esti de stick dans les airs. Subban fait un crisse de plomb à côté du net. La puck sort du territoire. Ben ouais, avec le bâton, on est plus capable de retourner avec dans le bâton. À chaque colisse de fois, c'est la même esti d'affaire. Un shot à côté du net, la puck sort, on est plus capable de rentrer. Moi, ça me il fait capoter. Son shot à CBC, la game numéro 3, à un moment donné, c'est tellement long parce qu'on fait le powerplay. Puis il dit OK, là, le powerplay, il fait Montreal got one pass. Pendant ce powerplay. Pas un tir, pas rien. Il a réussi à passer une fois à un autre joueur. Hey! Ben, c'est parce que Montréal a de la misère à rentrer, s'installer là, dans le cercle, là, mettons à l'aile. Là. Puis là, elle ressort tout de suite, bien souvent. Ils sont pas capables de rester là. C'est ce que je dis tantôt. Les gars, t'aimes pas, sont tout de suite gars avec la puck. Nous autres, là, on joue la boîte, puis personne ne va voir le gars de la puck. On fait juste jouer à la puck. On joue à la boîte, là, on les regarde se passer, puis on essaie de bloquer. T'sais. Puis eux autres, ils réussissent à faire les passes. Dans ce slot, là. On fait aucune pression. Ça traverse la salle. Parce que le gars, il a le temps. Alex, puis même que ton au moins, là, il pourrait quasiment, ben, pas quasiment, mais il pourrait-tu s'orienter peut-être au coach du power play? Moi, absolument. Moi, pour de vrai, ben, il commence à être un problème. À un moment donné, là, il est où le crise de problème? Ben, moi, clair. Je trouve que ça commence à être un problème. Ça marche pas, si, fais quelque chose, mais change pas la même recette. Ça a pas marché de la saison. Yeah, ça marche donné, encore moins, c'est prévisible. On joue contre le même club. Hey, ils savent qu'est-ce qu'on fait, le attends même un peu, club. Je pensais à quoi aussi? Non, mais dans l'année, on a essayé l'umbrella, puis ça avait marché pendant un bout, là, tu sais, faire un gars à point. Pourquoi ils ont arrêté de faire ça? Une autre option, quelqu'un qui a pas de slap shot, là, OK, admettons, là. Le joueur, il n'y a pas de slap shot, mais Pacioretty à la pointe. Ouais. Mais c'est parce que. Ça pourrait être une solution. Si tu veux mettre Subban, puis les gars vont vers non. Subban, mais Chris, après ça, passe en bout, puis c'est au gars d'en bout, ça passe entre eux autres, comme t'as pas bé, pour scorer. Ouais. Mais. Puis je tiens à dire une affaire, un qui me surprend quand même par la qualité de son tir. Puis qui a une bonne shot quand même, ben c'est Petrie. Ouais, c'est vrai. Petrie a une petite belle shot. Là, faut juste finir moins la prise. Ouais, vas-y, ouais, c'est bon, c'est bon. Ben moi, j'aime bien, moi, c'est facile, c'est Galchenyuk. Ce gars-là, il paye toutes ses astuces de bataille, man. À chaque fois qu'il y a la puck, puis il y a une bataille sur le bord de la bande, il paye. Donc, jamais ses batailles en forecheck. Hier, il était pas. Hier, il cherche. Avant ça, l'équipe marchait. À chaque fois qu'il y a la puck, puis il y a paire, qu'il y a une bataille sur le bord de la rampe, là, il me fait capoter. Hier, là, j'avais l'impression de voir le Canadien dans leur main cette année. Hier, il a commencé à bouger ses mains. Ouais, non, mais hier, sérieusement, il était actif. Ah oui, il bougeait ses mains. Hier, j'avais l'impression de voir le CH dans leur meilleur game cette année. Quand on a gagné contre Saint-Louis cette année, là, man, les joueurs étaient sa fucking rondelle. Mais tabarnak. C'est drôle, mais je pense que c'est ça qui sert à compter des buts. Avez-vous remarqué hier aussi comment que Montréal rentrait par le centre au lieu de rentrer par la... Enfin! Le but là, que c'est fait, là, le premier but là, de Markov, là, justement. Là. Ah, plus des tirs, Chris, man, de la bande, calice. Ça a rentré par le milieu. Ils ont fait un jeu à la Tampa Bay, justement, man. Trois passes, par, man, j'y clique. Ben oui, mais Chris, hier, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on n'a plus rien à perdre, là, c'est pas grave, on peut se sacrifier. Mais il était fucking temps de se sacrifier, man, puis de rentrer par le centre. Il est trop peu, trop tard. Tu donnes ton moins, peut-être, non, mais c'est pas grave. OK, man. Vas-y, j'ai envie de faire différent de vous autres, moi, le donner Tom Gilbert, c'est plus capable. Le club a bien joué, sauf Gilbert, c'est qui est mauvais. Ben moi, quand je trouve qu'il est mauvais, le monde trouve qu'il est bon. Puis là, moi, j'ai trouvé que ça en est bien sorti. Puis on a jamais dit qu'il était bon. Ouais, mais tout. Tu peux pas mettre un gars qui est très responsable du deuxième but. Mais dans la dernière game, c'est pas grave parce qu'on a gagné 6-2. Mais si ça avait été 2-2, toutes vos moins, je pourrais aussi les donner. Markov, ce monde-là, je pourrais le donner moi aussi. C'est facile à trouver. C'est ça. Les moins, on dit toutes la même affaire. Je pense qu'on veut être original dans nos plus-moins. Là, c'est parce qu'on est tous en tabarnak aussi parce que le Canadien est en train de perdre 3-1. C'est ça, là. On est tous en crise. Puis tu peux pas, en plein milieu d'une série, prendre un gars qui a joué toute sa vie à droite puis te colisser à gauche avec une recrue. C'est sûr que c'est pas le temps de faire les gros changements. Ça non plus, Dave, you can do that. Puis tu sais, je veux dire, autant ça, puis autant que Galchenyuk, c'est pas le temps qu'il se relancera pas là. Mais non, il est en manque de confiance. Ben ouais, ça y prend ça, un job pour man. Ça y prend un mentor, ça y prend un rendez-vous avec The Rapist. Deux périodes qu'on fait. La période est terminée depuis. Il y a à peu près une période et demie qu'on a faite. Fait que là, on va aller faire une entracte, et puis on roule la deuxième période avec des sueurs en dessous des bras. On est retour pour la deuxième période. Ah oui? Puis là, on a fait un petit changement dans le studio. On a comme ouvert la porte, puis on a mis le ventilateur parce qu'il faisait 28, je pense. Là, attends, plein si moi, je sais que je suis On s'excuse. La soirée du podcast dit « Fuck you, la porte! » On s'excuse à Caro qui nous attend. « Excuse-nous, Caro! Hey, Minou! » Fait que là, il n'y a plus vraiment de sujet. On peut dire « moi bien! » Il n'y a plus vraiment de sujet de précis parce que c'est le post-mortem qu'on pensait qu'on allait faire. Fait que là, c'est bar open de sujet. Je propose on passe à la troisième période. Okay. Je propose qu'on aille sur le sujet de petit arnais. Passe-moi ton doigt, toi. Ah, tu vas faire encore Dave? Attention au bière. Dave, juste une minute avant, là... On fait-tu le post-mortem? Non, le post-mortem va être dans un autre épisode. On n'est pas éliminé, tabarnak! Là, c'est fini, là. Bien, ça serait un pré-mortem. Là. OK, fait que c'est comme un pre-com, là. C'est ça, exact. Attendez, je pense que Dave veut faire un call-out. OK. Je vais faire un call-out au tabarnak de Calis, d'Hostie, de Ben Bishop à Marnen. Probablement le gardien de but le plus fakeux de la Ligue nationale au complet. Oui. Mesure 6 pieds 7. Il tombe à terre. T'as l'impression, man, qu'il vient d'avoir un nouveau. Oh, mais il tombe de haut. Dave, tu pars un bon sujet. Parlons de Ben Bishop. Pussy Bishop. Hey, ben, avez-vous vu hier dans la game? Bishop, man. Il a même pas eu de tir. Son défenseur passe en arrière du but que la puck. Il tombe dans son net, puis il était comme les quatre fers en l'air dans le net tout seul. Qu'est-ce qu'il crissait, là? Toi, mon tabarnak, Ben Bishop, t'es là, tu pues, tu sens le calice, puis... c'est la GF, ça. T'as pas le droit de sortir ça. You can do that. Ça. Bishop, man, il est dégueulasse. Sérieusement, Bishop là, c'est le baisé. Joueur de la Ligue nationale que je peux plus référer à un joueur de soccer en ce moment, man. C'est comme tabarnak. Hey, il fait des roulades à terre. Il fait le twirl. C'est Dominique Hachek. C'est pas ça ma première blonde. Ouais, mais lui, c'est Dominique Hachek. Ouais, mais lui, c'est parce qu'il gaulait, esti. Ouais. Il y avait pas de technique. Bishop, il est juste tatan. Il a la mythe molle un peu. C'est pas ça parce que. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Il a la mythe molle. C'est un autre affaire. Ce gars-là, il se déplace pas, man. Il est slow, il est shaky. Ah, il est en shaky, là. Il est aussi stable que la tour de Pise, esti. La mythe molle, c'est jamais tombé. Mais ouais, mais il est croche en tabarnak. Ce qui fait chier, c'est qu'il pogne jamais deux, esti. Mais ouais, c'est parce que celui là il mérite pas ce pénalty. Il se fait coller, il se fait donner des amendes parce qu'il plonge Chris Bishop. Il cache jamais ça pour les goalers. Non, mais j'ai une question pour vous autres. Y a-tu des goalers cette année qui ont eu des amendes ou des deux? Jamais, c'est rare, non. Jamais. C'est rare, mais. Fait qu'il y a pas jamais, vraiment mais Bishop s'en magasine une. Il y a aucune jurisprudence pour donner. Non, mais qui carbotise, c'est une jurisprudence. C'est le temps. Le ref va aller à côté et dire il fait plus ça. Il fait plus ça. Là, les gars, il y a des gars qui arrivent avec son bout de stick et si c'est le patin et l'autre. Non, mais comme s'il versait un cross-check dans les genoux. On s'entend-tu que le masque de Bishop, il y a de l'air slack en sacrament, il perd tout le temps son masque. Moi, j'ai jamais vu ça, sérieusement, un acteur d'un but de même. Un acteur, man, ça n'a pas de crise de bon sens. Un vrai Jean-Claude Van Damme. Qui a fait ça avant comme goaler? J'ai jamais vu ça. Ah, c'est terrible, man. Faire l'étoile à tous les calices de game. Mais c'est quand qu'il se calisse sur le dos. Puis il fait comme s'il était comme aussi, il est couché sur le dos. Ah ouais, man, c'est malade. Il a perdu son blocker, sa mythe, là, il est comme... Ah, merde, je déteste, man. Moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment là, que son 16 le save en nest. Ben oui, son 16. Ça me fait chier. Son gabarit, son style de goaler, mais c'est un plywood. En plus, quand est-ce que vous avez vu ça, vous autres, un goaler dans une série de coupes cette année de même? Échapper la puck deux fois dans sa mitaine. Là. Deux fois en trois games. Ouais, mais ça arrive. Ouais, t'as mis le dans la crise. On va c'est des goalers avec des mauvaises techniques, ça. Là, ouais, mais t'as peu, Jeff. Théo l'a dit à TVA Sports, c'est une mauvaise technique de goaler. T'as peu. On va reculer une couple d'années. Il tient comme en haut même. Là. Il y a une mitte molle. Ouais, vas-y, Marc. Il y a la poche molle aussi. Le poing est faible. Le biscuit est un peu flat. Je sais pas s'il est sur le cuir, mais en tout cas, il y a la poche slack en esti. Mais je vais dire une affaire, Price. Price a déjà été avec une mythe assez pas solide non plus. Oui, mais... Là, on recule de 3 ans à peu près, là. Price, il avait un solide problème. Attends, si je ne m'abuse, le Bishop allait faire sa première saison. La mythe, c'est pas parfait. Non, mais attends un peu, Mark. Il n'y avait pas la mythe molle, Mark. Price. Il n'y avait pas la mythe molle. La mythe basse. Il y avait la mythe basse. Ouais. Ben oui. Elle n'était pas molle que ce soit avec ton poignet pied en deux. Il y avait bien des rebounds de Puck sa mythe. Lui, il y a la mythe molle. Le problème à Price, c'était Roland Melançon. Oh non. Point final. Bishop, son problème, là, c'est que. Point final. Ben, c'est parce que Bishop, il n'a pas de style. Bishop, il n'a pas de style, il est shaky, il est cave. Ben, le problème, là. Que ce gars-là laisse. C'est ça. Il n'y en a pas de retour. On tire dans l'hostie de plastron. Ouais, mais là, la dernière game, ils l'ont testé comme ça. Ils ont tiré bas, puis ils ont tiré haut. La dernière game, Montréal. La dernière game, Montréal a joué le style que Détroit a joué. L'autre game d'avant et tout, on a dominé la game. Puis il a vraiment été locker. On a pogné trois poteaux. Il a plein de retours, c'est juste nos gars sont trop bas. On n'a pas été opportunistes. On n'a pas été opportunistes parce qu'on a manqué de score. Mais on a dominé. Mais peut-être. On a dominé dans le jeu. On a dominé dans le jeu. Mais reste que la plupart des tirs étaient quand même direct dans le logo, là. Direct dans le beau. Ben, tu sais, là. Mais il est gros, il prend de la place en tabarnak. Mais on est tabarnak, tu tires dans le logo. Il est quand même. Parce que faut que tu le tires dans le bas, lui. Il est spécial, le logo, man. Il est gros en tabarnak. C'est ça. Avec son chandail. Un chandail de Bexel. On tire dans l'orage. Ils grossissent pas le logo quand le chandail est plus grand. Là. OK, fait que là, on s'entend tous sur une affaire ici, c'est que Bishop, là, c'est loin d'être un grand technicien. Oui, puis là, j'ai l'impression que sa confiance est ébranlée en ce moment. Là. Ben non, moi, je pense pas. Moi, parce que le mois, dans le fond, moi, je pense que. Non, non, mais t'as oui, pour le protéger. Sauf que depuis le début de la série contre Canadien, il est shaky en tabarnak, Bishop. Là. Ben, Chris, regarde, c'est pas compliqué contre lui. Oui, oui, oui. Des toi, là. Je m'excuse, mais. Toutes ces sorties de son net sont dégueulasses à Bishop. Oui, oui, non, non, je comprends. Tout le temps, là. Mark, là, ils ont réussi des trois à la ligne, ils gagnent. Ils gagnent. Ouais, parce que son team en avant de lui joue. Là. Puis on le fait bien paraître, Hostie. On le fait bien paraître. C'est notre pote. Mark, c'est nous autres, Hostie. Des trois réussis. Ils sont pourris, tabarnak. Pourquoi? Parce qu'il faisait bouger. Il faisait sortir. Ouais, déplacement. Il est pas des déplacements. Il est pourri des déplacements. Hey, je trouve que. On est pas mal agressif depuis deux podcasts. T'as un mangeur de merde! Ben voilà. Ben moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Juste parce que arrive, tout poli. Pour on s'en calisse. Non quoi. Pour foutre encore plus la merde parce que c'est déjà pas assez cacophonique là, même là, arrête de gaiser, là. Le fait de leur tirer après seulement 3 buts là, hier. Ouais. Est-ce que c'est 3 buts 8 tirs. Est-ce que c'est une bonne décision? Absolument. Oui, il y a bien peut-être ouais, parce que Cooper il essaie de faire de quoi là. Non mais Cooper voyait que son équipe était pas dedans. Fait que il a décidé que je l'enlève tout de suite. Il savait que c'était pour finir plus que 3. Déjà que Bishop est shaky. Déjà qu'il est shaky, est-ce que tu mets un doute dans sa tête encore plus en le tirant? Non, non, non, parce qu'il en a gagné 8 cette année contre Montréal. Il y a pas de doute parce que le gars est assez brillant. À la limite, là, j'aurais collé Price sur le banc. Quand il s'est fait compter, genre, tu vois ton non, mais ça, là, non, c'est, Price, c'est juste pas des pareil. Spéculations. Moi, je l'aurais mis parce que ça donnait plus rien rendu. Non, là. Mais Price, c'est pas grave, pour la prochaine il va avoir game, la même confiance après. Parce que on peut pas dire qu'il n'y a pas de doute dans sa tête en ce moment. Il n'y a pas besoin de le protéger, Price. Mais je dis pas ça pour ça. Je dis juste que ça donne plus rien. Bon, c'est pas grave. Ça fait chier ton goaler. Un peu, là. Ça fait chier ton goaler parce que lui, il veut goaler, il veut gagner. Price, là, il se fait battre 6 à 2. Là. C'est là que tu vois que le lendemain, il va revenir. Ah, puis Asti, il va te goaler. Ouais, puis c'est quoi? Tu peux pas parce faire ça à Price. Parce qu'il va être en tabarnak. Tu peux pas faire ça à Price. Mais Tokarski, tu peux pas faire ça. Il va être en tabarnak. Il va voir le prouver. En fait, c'est pas que tu peux pas faire ça à Price. Tu es en train de dire que Bishop va connaître un gros match? Ben non, j'ai pas dit que Bishop est de la qualité de Price. Donc il va connaître un gros match demain. Genre. Ben c'est sûr qu'il va essayer de sortir solide. Ben il va essayer, lui il va essayer de se racheter. Le parce but que c'est de compter vite dessus. Si tu comptes vite, il redevient aussi fucké que la dernière game. Là tu peux, là t'as vraiment le choix. Ce qu'il faut là devant lui là, c'est du mouvement de pas. Un quick goal du Canadien de même, là on est ailleurs là. En tout cas, ça s'en va en 6 cette game là. Ça l'arrivera pas. Bon, ça va en 6 cette game là. Qui a dit ça? Qui tu penses? Hein? C'est défaitiste. Le gars, je pense qu'on avait perdu en 6ème game. Ça en va en 6? Cette game-là? Non. Cette série-là. Bon. Ben là, on jouera pas ces mots, là. Ben, ça, on jouera pas sur grand-chose si on se passe à ces mots. Ça progresse, là. Moins, ça va bien aller. Je vole déjà à la job à Brisebois. Fait que, je pourrais dire n'importe quoi, puis je progresse à job. Pour finir le cas de Bishop, je peux dire qu'on peut pas savoir vraiment s'il est shaky ou pas dans sa tête, si ça l'a affecté ou pas, parce qu'on n'est pas dans la tête. On va le voir demain à la game, justement. Moi, je peux dire, j'ai pas l'impression qu'il va être affecté tant que ça, parce que peut-être pas. Sauf que s'il se fait scorer un but rapide en début de game, là, il va être vraiment fini. Moi, c'est ça la différence. Il y a une chose que j'ai remarqué là, hier, là, oui. C'est que vraiment, Tampa Bay donnait la ligne bleue vraiment facilement. Ouais, puis Montréal, ça rentrait. Parce qu'on rentrait par le milieu. Oui, ouais, parce qu'on rentre par le milieu. Parce que le Canadien a joué. Ça fait reculer défenseur. Non, mais Alex, en plus que ça, Tampa Bay a été deuxième sur le puck toute la soirée. Ouais. Ben non, c'est Montréal, hier, moi, ça moi j'haïs ça dire. Solidement. Moi j'haïs ça dire. C'est parce que le Canadien joue bien sur la ronde. J'aimerais ça. J'haïs ça dire que le Canadien. Montréal a été agressif. Non, mais oui, mais c'est ça l'affaire. Non. Montréal a été agressif sur le puck. Les pucks libres. Moi ce que j'aime pas, c'est dire que le Canadien a gagné parce que le Tampa Bay a mal joué. C'est pourri de dire ça. Il y a une affaire que j'ai vue sur Internet de 25 Stanley. On a bien joué. On peut pas dire que le Canadien a gagné parce que Tampa Bay a mal joué. Non, on a bien joué qu'ils ont mal joué. Sérieusement, puis il y a un autre point. Parce qu'on a bien joué qu'ils ont mal joué. On les a joués, on les a fait se mettre ses talons. Ouais, mais Dave, Marc, on les a fait. On a fait. Qu'est-ce que j'ai eu l'impression hier? Faire pénalité. Non, j'ai eu l'impression hier là que Tampa Bay. J'ai eu l'impression qu'hier Tampa Bay a joué. Attends, on va le mettre. quand on patine, on gagne nos batailles, qu'est-ce qui arrive? OK, on a réussi à commettre, faire Tampa Bay avoir une punition. Ça mange du temps, ça. C'est vraiment gagné nos pas grave, c'est drôle, pareil. Ça, ça never gets old. Non, mais... Il y a une affaire que j'ai vue par 25 Stanley, là, qui est supposément là, un grand connaisseur. Ils ont dit... Ouais, avec ses époques de... que tu veux casser ailleurs. Exactement. Il a dit que la raison pour laquelle le Canadien a gagné, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le plan de match de Michel Therrien. Oh! Ah. Hey, comment ça? Il y a bien des haters. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Là, j'aimerais en profiter. Qu'est-ce qu'il connaît au hockey? C'est une crise. Justement, de bin, j'aimerais en profiter. C'est qui, toi? Call it out. T'étais une bin. C'est qui, toi? T'as rien fait dans la vie. On attend un son. Soundboard est lousse. Je call out toutes les hosties de cave qui pensent que Therrien n'est pas un bon coach. Fermez vos gueules, calice! Regardez donc Desperate Housewife à la place, asti qui dictait le hockey. Point final. Ah, pour de vrai, des arguments béton ouais, mais ici. GF, mais non, c'est j'ai béton. Un bémol à amener. On a un bon coach, puis c'est tout. Il n'y a pas de bémol. J'ai tout. Un léger bémol. C'est quoi ton bémol? La game qu'on perdait 3-1. Okay, je pense que je l'ai dit contre. Okay, là, la game qu'on a perdue, c'est quoi? 6-1 finalement là, qu'on ouais, a perdu? Ouais, cette game-là. À cause de Prost? Attends un peu. Ah, 6-2. Ok, man, okay 6-2. Arrête. C'est pas ça le but de la conversation. Prost, on en a jasé tantôt. Ok? L'affaire que je me demande, là, c'est que Therrien, man, pourquoi qu'il a rendu à 3-1 ou 4-1? Tu calls pas un timeout puis tu rapatries pas tes gars. Il a jamais pris un Chris de timeout. Parce que rendu là, man, ça sérieusement, ça sert pas à rien. Non, ça sert à rien. Tu sais quoi, ça sert à rien? Chris, man, come on, ça sert à rien. Quand tu dis ça sert à rien, tous les joueurs, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ça sert à rien à soir. Je veux pas voir ça. À quoi ça sert de prendre un timeout à 6-1? À quoi ça sert? Pas de prendre à 3-1. Tu prends 3-1, tu dis, hey, les boys, c'est qui se passe, Chris, wake up. Tu wake up avant. Tu sais, là, prends ton timeout. Finalement, on va peut-être prendre un timeout. Prends ton timeout, c'est l'équivalent de changer ton. Je pense pas que ta mère t'aurait changé grand-chose parce que Prost, on va essayer le ben avant. Vous oubliez que Michel il est sur le banc puis il file son équipe. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais il sent son équipe. C'est lui qui décide. J'aurais-tu le prendre? Il sent son équipe puis il sent son doigt aussi quand il est même puis comme il se frotte puis il fait rien. Ben, en série, là, faut-tu penses peut-être qu'il y a des problèmes. Quand ils vont en prolongation en série, on te voit un autre timeout? Non. C'est un timeout, c'est fini. T'en as un. Ah non, mais t'en as un. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Tu vois le pouls de l'équipe puis tu dis. Ouais, c'est ça, exact. Qui mange la merde. Ouais, mais tu sais, là, comment il a rincé à l'heure, là. Ben, j'enlève le qui mange la merde. La dernière game, là. Qu'est-ce qu'il a fait à l'heure, la dernière game, là. Tu prends ton timeout, là. T'en envoies une bonne rince de même, là. Peut-être, si que tu vas donner comme un genre de choc de défibrillateur. Ça n'aurait pas marché. Peut-être pas. La merde avait commencé en première période avec le 4 minutes. Puis je veux dire, un petit calisse pas mal des sujets de Therrien. Je suis pas d'accord. Je trouve que Mart est beaucoup trop sérieux ce soir. Ça, c'est une affaire, Mart. Mart en tabarnak. Mart est comme sur une brosse violente en ce moment. Mettons, il compte deux buts. Il double fist ce soir, il est des deux mains pleines de bière. Ça n'a pas rapport, man. Ça, c'est du coach. Non. Ça n'a pas rapport, man. C'est du coaching. C'est du coaching 101, ce calisse. OK, anyway, on va passer à un autre sujet. À deux bières. Je parle un timeout, man. Les deux bières, c'est j'aimerais qu'on parle un petit peu du cas du petit Darnell. C'est là, du how to base. Il y a 5 pieds 8, est-ce qu'il faut gagner dessus? Bon, dernier qui a manqué deux games, je pense. Une game. Une game. Parce que supposément, il y a eu la gastro, c'est déshydraté. JF aurait des informations supplémentaires à me donner sur le cas de Darnell. C'est des rumeurs ou t'as des sources solides? C'est des sources solides parce que, dans le fond, de la communauté de Brassard. Moi, je me fie à Renaud Lavoie, là. En anglais ou en français? Parce que, en anglais ou en français, parce que des fois, ils appellent pas les mêmes joueurs par les mêmes noms en anglais ou en français. C'est Cédric Paquette, en anglais, c'est Cédric Desjardins. Est-ce qu'il est mauvais? Il est dégueulasse, ça. Mais, Renaud Chéhi. La vraie histoire avec David Darnay. Là, je parle de gens de la communauté de Brassard. Là, je parle de la communauté noire. Quand je parle de la communauté de Brassard, je parle de gens qui organisent des événements. La communauté asiatique. Okay. La Brassard, c'est pas mal ça. Les triades japonaises. La communauté du Foulam. Pour Mathieu Gilina, je vais en profiter pour caller out des Japonais. Ouais, on salue Mathieu Gilina, notre fan numéro 1 qui est au Japon en ce moment. Attends, on va y aller. Ni hao! Gojira! Ouais, c'est ça. T'as failli t'étouffer, hein? Mais laissez donc Jeff aller sur point. Jeff parler sur Darnay. Laisse-les parler du foulard. David Desharnais. Puis cette valeur à Nasty, parce que j'étais au 10-30 justement samedi pour aller au David's Tea m'acheter des poches de thé. Ah ben David's Tea. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu kisses au David's Tea au 10-30? Il y avait un poche molle. J'avais besoin d'un refill de produits naturels. Tu voulais faire du teabagging? Ah ben ouais, c'est ça. Voulez-vous le laisser finir son histoire? Il y avait un poche molle. Desharnais, tu sais, samedi, il a fait beau en tabarnak. Pour commencer, pour mettre en mise en situation. Tu fais un petit chai latte avec du rhum et avec du rhum. Hey, laissez-les finir. Hey! Ben, trop tard, on parlait même. Le soundboard lag, là. Hostie, l'iPad 1, il suit plus la game. Il est comme un genre de Markov en playoff. Il suit plus pas en tout, là. Pour commencer. C'est un gun char! Pour commencer, Desharnais habite. En retard. Desharnais habite. Est-ce que vous savez où le village parisien à Brossard au quartier du 30? Le village parisien? Okay. Non. Les condos. Bon, les condos de Brossard. Ouais. Desharnais habite en face dans le nouveau développement. Okay. Dans les dents. Fait qu'il est à côté du quartier du 30. Fait qu'il est allé au Square. Le Square, c'est la phase 2 de Brossard. OK, il était où, Calis? Ça qu'on parle de il était au Mile. Il est allé au Balthazar. OK. Le Balthazar, c'est comme un espèce de resto-bar où tu peux manger puis écouter à tes vents en même temps. Apparemment. Okay, puis Desharnais, il est allé là, genre, mettons, pour un genre 5 à 7. OK? Puis après ça, Desharnais, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé au club Le Social pour écouter le combat de boxe de Pacquiao et Mayweather. Le gastro-bar, il n'y a pas rien à gastro. Le social bar. Puis on peut-tu vraiment le blâmer d'avoir voulu écouter le combat? Sérieusement. Non, mais le problème, là, c'est que sacrement, si t'es un pro, il y avait premièrement un couvre-feu. Mais tu sais pas ça. Ouais, non, c'est sûr qu'un couvre-feu, c'est sûr qu'un couvre-feu. C'est les players. Alex, c'est la marde. Alex, fait juste des n'importe quoi. Okay, comme s'il n'avait pas son 100$ pour l'écouter chez eux. Desharnais, il a commencé à boire à 4h. Ouais, mais le combat de boxe a commencé à minuit. On s'attend-tu de 16h à minuit, c'est 6h de buvage de boisson? Mais moi, j'ai commencé à boire à 3. Puis en plus, là, il mesure 5 pieds 1, sacrément. Non, il mesure 5 pieds 8, là. Ouais, c'est vrai. Il est en bas des romans trop. Ouais, mais là, ah non, ça consomme du Viagra sacrément pour pouvoir fourrer toute la nuit en plus, esti. Ouais, ça, tu sais pas ça non plus. Mais non, c'est sûr. Le Viagra, c'est la nouvelle drogue des jeunes qui veulent fourrer. OK, mais c'est quoi les sources? J'ai déformé en secondaire. Moi, j'aimerais avoir tes sources pour... Non, c'est vrai, le monde prend le Cialis. Qui, ça? Bon, ça y est, change de marque. C'est pas vraiment générique. Moi, je n'ai chez nous. Non, le Cialis, c'est pas... C'est comme le compositeur. C'est une prescription chez nous, en train. Non, tu peux acheter ça dans la rue. Mais bref, Desharnais... Moi, j'en ai chez nous, je n'ai pas de besoin. Juste au cas. Desharnais, là... Si t'es bandé, mais en plus que 6 heures, va voir un médecin. C'est tout ce qu'on pourrait dire ce soir. Ça dépend. Si tu fous pour te arracher le cap, ben... Cogne les clous avec, man. Non, les faits, tu as à peu près une douzaine d'heures, à peu près, selon mes sources. Je me suis renseigné. Tu dois saigner, man. Hey, tu dois venir du sang. OK, Jeff, finis ton point. OK, vas-y. Le point, bref, c'est que le lendemain matin, il y avait sûrement un meeting d'équipe pour préparer le match de ce soir. Il était pogné avec une 18. Puis Desharnais, il est allé prendre une prise de sang. Puis Desharnais, il était chaud. Desharnais, il était chaud, c'est sûr et certain. Il avait assuré. Fait que Terrier, il était en tabarnak. Il a dit fuck you, tu joues. Oh, fuck, il était vide. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fuck la grippe. Qu'après ça, ils ont dit c'est une gastro. Le gars, il était chaud. Ils ont voulu le punir. C'est ça, c'est du cover, c'est sûr, certain. C'est ça, la voix qui est weird là-dedans, c'est son entrevue avec la petite voix rauque. Là. T'as pas une voix rauque de brosse dans un après deux jours, tu sais. Écoute, ça se peut qu'il soit été vraiment malade, même s'il a bu toute la nuit, peut-être qu'il a vraiment... Peut-être que sa brosse a causé une gastro. C'est pas moi. Il a acté, man. Pas grave, il a acté, une voix fatiguée. On a tout fait ça quand on fuckait l'école. Ah, je rentre pas aujourd'hui, là. Ouais, mais bref, j'ai regardé le body language dernier, là, en entrevue, là. J'ai analysé ça. Il l'a mis sur pause. Mallette, qui est là-dedans, on le sait pas. Body language specialist. Ça l'aide pour la vente. Non, c'est vrai. Non, moi j'ai surtout étudié. Fait que Desharnais était comme un but calice. Tout ça pour vendre un calice d'Acadia, hostie. Ben ouais. Puis là, il était là, fait que là, ils ont posé la question à DP, comment tu te sens? Oh, ben là, tout le monde, tu sais, c'est quoi le gastro? Là, puis il se touche les cheveux, puis il se fait de la face. Quand quelqu'un bouge de main, c'est parce qu'il me ment, puis il a dit, je vous épargnerai les détails, là. Mais c'est marre, comme un fucking bullshit. C'est un esti de menteur, tabarnak. Dernier, là, c'est le premier gars bouts, c'est qui va fourrer des filles de 18 à 21 parce qu'il n'est pas capable de se prendre une fille de 25 à plus. Parce que les filles, c'est la calisse de lui. Il a l'air d'un enfant, tabarnak. Ses patins, c'est des 6. Toutes les filles, c'est des pédophiles aussi. En ce moment, dans la chatroom, il y a Nick Chalifou qui dit qu'on devrait créer un jingle pour les chroniques potins à mallette. L'année prochaine, ça va venir. Les potins à mallette. On a 20 chemins aujourd'hui, moi, Dave et Mart. On va vider une 15 de 24 puis on va faire des nouveaux thèmes musicaux pour la soirée. Mais si ça prend de quoi de c'est là que tu te comprends le mieux. C'est pas parce que c'est de la merde que c'est ça. Non, mais le cas de Dernest, ce qui m'écoeure le plus, c'est que c'est un manque de sérieux en pleine série. Tu viens de perdre 2-1 le premier match, il faut que tu gagnes le deuxième, t'as pas le choix. Ah, c'est un manque de sérieux, ça. Il y a ça, combien de points, lui, versus Plekanec, par exemple? Et voilà. Il y en a pas beaucoup plus. Non, ça, c'est le garage. Un peu, quand tu me dis, il y en a pas beaucoup plus, pas beaucoup, c'est combien? Il y a pas personne qui a beaucoup de points. Un point. 4 ou 3? Les deux, en ont 4. Un point. Mais, hey, on peut les deux vraiment y chier sa tête tant que ça, dans le fond? À dernier, non. Hein? Les deux ont 4 points. On peut-tu y chier tant que ça sa tête? Monsieur Colrouli qui est tellement bon, puis gentil. Ça, on va regarder la troisième. Pas de juvenile. Hey, dernier 3 points, Plekanec 4 points. C'est ça que je pensais. Présentement, j'ai rien à dire à Plekanec parce que Plekanec, c'est un gars qui est sérieux. C'est juste qu'en série, il passe la porte dans le dos, puis il fait des déblagements. Il manque juste un petit peu de... Desharnais est Qu'est-ce meilleur t'es? Que Plekanec en série. Pardon, Desharnais est très meilleur en série. Sérieusement, il se bat pas mal plus en série. J'ai réécrit les épisodes. Pas d'instats, en tout cas. Ça glace. Ça glace. Ça compte. Je peux juste te dire une affaire, là. Plekanec, là, je l'ai pas vu une calisse de fois aller revirer en arrière du goaler, en arrière du but, man, faire une passe, chercher une passe. Mais oui, c'est pas son style. C'est pas son style, il peut même pas s'en servir. Il va jouer une saison. Justement, c'est ça que je l'ai ben, si ah, mais tu sais, dans le fond, là, est-ce que vous c'est avez pas son style, vu, mais il fait quand même 50 points en montant. Non, il fait 60 points. Attention, Alex, est-ce que tu as vu la vidéo du dernier 45 secondes de la game? Ouais, on l'a vu. Où est-ce qu'il tire la poque dans le dos? Non, mais la vidéo de l'analyse de TSN, une belle saucer passe. On parle de quoi? La passe dans le dos de Pacioretty, là, sur le jambon, là. Ouais, la passe dans le pion, sur... mettons qu'on avance, puis qu'il reste à peu près... La belle passe, là, dans le mollet, là. Ah, dans le cul, on va dire. Ah non, ça, c'est rien, ça. Il reste à peu près... Dans le jarret, Mart, dans le jarret. Dans le mou du genou. Ton joueur préféré qui a fait ça. Non, on va voir troisième, parce que je suis que mon frère a une bonne défense. Non, mais attends un peu, là. Non, mais toute l'année, Alex, il a dit que Plekanec, c'est un métronome, c'est un gars intelligent, gentil, il va à messe. En saison. Le gars, là, il reste 10 secondes. Il reste 10 fucking secondes, OK? Eux autres, ils veulent avoir la prolongation. La messe prend le ball, là. Tout ce qu'il y a à faire, là, c'est juste un petit mouvement de poignée de plus. De poignée. Pour dégager la rondelle dans le fond de la zone. De même. Asti, il a juste passé le même. Comme... De même. Un petit flic du poignet. Les défenseurs sont venus à rage, puis là, ils ont tout attaqué. Puis là, Markov était sur le cul. Souban était sur le cul. Pacioretty, il regardait le ciel pour voir il reste combien de temps. Puis l'autre gars, là, aussi, il reste combien de temps. Puis Markov, il a fait de la pire dans l'histoire. Plekanec, il a arrêté de patiner parce qu'il regardait, il y avait combien de temps. Asti, t'es un professionnel, tu peux le savoir, fucking temps, si. Alex, ça fait ce mauvais sans effet. Celle-là? Ouais. Sifflet, c'est le logo de sifflet, ce genre. Puis Markov avec le pire des dives que j'ai vu de ma vie. Est-ce des 4 heures en l'air, couché sur le dos. Ça, c'est un gros sifflet. Ouais, mais il n'aurait pas eu à faire ça s'il n'avait pas tiré dans le pion de Pacioretty. Oh non, mais. Ok. Non, mais Markov a été dégueulasse. Ça marche pas. Ça me faisait penser à la dernière game. Au troisième. Non, excuse-moi, c'est quelle mauvaise comédie, man. C'était le troisième match. Excuse-moi, c'était le quatrième match à Montréal. C'est la pire cacophonie. En 2002. Je regarde la game. Non, excuse-moi, en 2004, quand les Canadiens jouaient contre la Caroline, puis Michel Therrien a calissé Bill Lindsay, esti, pour faire la calisse de mise au jeu. T'es rendu loin en ouais, spot. C'est la même affaire, esti. Même affaire. Il a même pas été capable de dégager la rondelle, esti. Il l'a lobé, puis ils l'ont pogné, puis ils ont rentré dedans. J'aime que c'est moi qui fais un commentaire, puis c'est Jeff, il pointe mon frère, puis il comme, c'est la même maudite affaire. Non, mais c'était lui qui avait parlé. On peut se mettre de l'ordre dans cette conversation. En troisième période, t'as l'ordre. Bill Lindsay. Ted Lindsay. Ted? Non, c'est Bill Lindsay. C'est Bill. Il est mauvais. Puis le trophée Bill. Ted Lindsay. Les aventures de Bill. Alors, dans le coin de l'écran, en ce moment, on voit le temps de jeu de Jeff. C'est qui, Ted Lindsay, tabarnak? Voilà mon commentaire. Il joue pour qui, lui, Ted Lindsay? Bon. Il te raconte de Les gars, la période est finie. Bon, premièrement, OK, Plekanec, oui, il a fait un petit jeu de marde là-dessus. Je l'accorde, je l'avoue. C'est que bien correct. Il a fait un jeu de cul, Chris, ils l'ont tout fait. Ils ont tous joué comme la marde. Tout le monde. La dernière minute, ça sentait le but, là, les joueurs ont tous arrêté de patiner. Ouais, c'est tout le monde. Le changement était de la merde. Ils ont tous glissé. Tout était de la merde. Ah, tout était mauvais. C'était terrible. Mauvaise séquence. Ouais, mais. C'était terrible. Okay, fait que par là, qu'est-ce que tu veux dire, là? On va perdre demain. Grosso modo, là. Il a pas bien joué là-dessus. OK. Ça, je vous l'accorde. OK. Merci. Après ça. T'es fin. T'es généreux de nous l'accorder. Mais avant, tu sais, là, je vous l'accorde, je vous donne un petit bonbon, après ça, je vous ramasse. Mais ça, c'est pourquoi j'ai plein. Non, tu ramasses un troisième. Je vais t'écouter, mais tu ramasses personne ça, t'as que le OK? Dans les joueurs actifs du Canadien en ce moment, oui. Plekanec, c'est le meilleur pointeur. C'est lui qui a le plus de points en série. Des joueurs actifs du Canadien. Non, il est égal. J'ai du vomi dans ma bouche, là. Ouais. Ben, c'est vrai, il a raison. Qui est que c'est les points qui comptaient, les feuilles de Allez ça? Chier. C'est toi, ça, Alex? Non, mais il y a comme deux phases. Attendez, là. Celui-là qui en a le plus, c'est Pacioretty, puis il y en a 6. Ouais, il y en a 6, man. Non, non. C'est pas de cette saison-ci, là. C'est quoi ton point par rapport c'est à la saison? Moi, je répète ta stat. Le plus de points en playoff. C'est ça, Pacioretty a plus de points. Ouais, c'est ça, là. Cette année. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça. Il peut-tu faire son point? Okay, c'est quoi, tu parles de quand? Tu parles de l'année passée? En carrière, joueur actif du Canadien, c'est Plekanec qui a le plus de points. Ah, il a joué 20 ans. Ah, en carrière, tu parles pas dans la série. Il est là depuis 2005, tabarnak. Chris. Ah non, il est pas bon de la stat. Il a pas joué 20 ans. Moi, je te parle des playoffs. C'est ce que t'appelles de l'Ivani. On vient de se le dire, Plekanec, c'est pas un joueur qui est censé être exceptionnel en playoffs. C'est un gars qui t'amène en série. Si t'as pas des joueurs comme Plekanec qui t'amène en série, tu vas pas en série. Puis si tu veux avoir juste des joueurs qui performent en série, tu fais comme les Kings, puis tu vas pas en playoff cette année, tabarnak. Parce que les Kings, s'ils avaient été en playoff, Chris qui aurait peut-être gagné la coupe. Il y a pas un joueur qui a deux joueurs en saison. Yes! Ils finissent 9ème. Yes! Non, moi, allez, si, je m'en vais chez nous. Attends un peu, Alex. Non, faux. Il y a un bon point là-dessus. T'as peu. Vas-y, Mark, okay, vas-y, je vais parler après. Je vais contre-attaquer là-dessus, là, sérieusement. Là. Même deux canettes. T'as peu. Allez, boys, c'est un des menottes. Vas-y, attendez. Okay. Hey, du calme, Steve. Vas-y, Mark. J'envoie une contre-attaque là-dessus, là, sérieusement. Là. Cette année, s'il y a un joueur qui t'a amené en série, qui t'a amené en position ce qu'on a actuellement, ce n'est pas Thomas Plekanec. Non, c'est Price, c'est Carey Price. OK, on est tous d'accord là-dessus. Certain. Fait que là, sérieusement, ton argumentaire, là, écoute, c'était très bien formé, c'était beau, c'était bien monté. Tu as étudié tes stats, mais c'est pas ça. Mark, c'est qui le centre le plus stable du Canadien? David Dernais. Non. Plekanec. Le petit dernier, là, il a 48 points. Arrête. Plekanec, il a 60 points. Mark, 12 au début de l'année, là, il avait pas le voir au centre dernier. Tu disais que c'est Gal Chenga qui était supposé être là. Là, tu me dis que c'est le centre le plus stable du Canadien. Ouais, mais Alex, au début de l'année, ton centre le plus stable, c'est Plekanec. OK, c'est ton. OK, je vais te donner que c'est le centre le plus stable. C'est le gars que tu peux compter dessus. Non, écoute, Plekanec, je sais, mais. Ouais, mais Plekanec, je le hais. Ben oui, mais non, c'est juste parce que c'est un émotion en tant que corps. Regarde ça froidement. J'aime pas ce joueur-là, puis sérieusement, notre position cette année reflète zéro l'importance de Plekanec. Ça reflète l'importance de Plekanec. Non, tu peux pas descendre un gars qui a 60 points. Il a donné 60 points. Ouais, mais il y a 7 points moins que le meilleur marqueur. Mais c'est un gars régulier, c'est un gars de 60 points. Combien de games, man? Ouais, mais c'est quoi? Si tu donnes ça à chaque année, 60 points, c'est 60 points. C'est bon, OK, c'est bon. On se rend en playoff. On finit en première position parce qu'on a Price, OK, qui nous a volé comme 20 points à peu près cette année pour nous donner 30, whatever, OK. Il n'a pas volé du game. Oui. J'exagère encore, c'est la bière. Oui. Ok, shoot des. Il y a des affaires à tenir en compte sur Plekanec. Il y a bien gaulé, mais il n'y a pas volé. Il y a des affaires à tenir en compte sur Plekanec. Plekanec fait son chiffre à chaque année. Il joue son contrat, c'est bien beau. Petites affaires en playoff. Il disparaît totalement. Mais Plekanec, c'est le gars. Il disparaît, tabarnak, il a 4 points, il est dans le top 3. On parle de Plekanec, on parle pas de Pacioretty, OK? Pacioretty, c'est un autre cas, OK? Il est dans le top 3 des points, pourquoi il disparaît? OK, mais attends un peu. Plekanec, là, tu dis qu'il joue son contrat, je suis vraiment pas d'accord. Puis attends un peu. Je vais te dire pourquoi. Il joue pas son contrat parce que il a signé à Montréal. Il joue sa chute. Écoute-moi, il a signé à Montréal alors qu'il aurait pu signer ailleurs pour probablement plus. L'année prochaine, il va jouer son contrat. OK, il joue. OK, gars. Plein qu'il y en a qui joue sa petite shit, il fait ses affaires normales. 60 en playoff, tu l'as vu combien de fois, toi, en playoff cette année? Il y a 4 points! Qui t'a vu des playoffs? Qui t'a vu des playoffs? Qui t'a vu des playoffs? Hey, un à fois. Il n'a pas dit que c'était genre le joueur le plus important de l'équipe. Plein qu'en est, je veux juste te dire, c'est une belle chose en saison, ça va très bien. Il fait son beau petit 60 points. Mais bien confortable. Ça, Marc, en playoff. Année. T'as peur. Arrête. Cette année, tu peux arrête, pas Alex. Dire ça. En playoff, quand il arrive en playoff, il chie. Ça, là, tu bases pas les d'accord. Années passées. Tu bases n'iras. Les années passées. Alex, c'est une réputation que j'aurais dit. Parce que cette année, tu peux Alex, pas dire c'est ça. C'est mon humble opinion. Plekanec, tu n'iras jamais nulle part avec ce gars-là. That's it. Mais Plekanec. Et pas non, un centre de premier trio. Puis on le considère exactement. Dans l'élite. Parce du qu'à club, Montréal, on puis il serait ailleurs, puis il serait troisième trio parce de centre, puis il serait bien correct oui, avec 60 points. Parce qu'à Montréal, on a rien de mieux. Fait qu'arrêtez de blâmer Plekanec. Tabarnak, c'est pas sa faute à Plekanec. C'est la faute qu'on a pas de gars meilleur que Plekanec, là. Ben voilà. C'est ça. Puis c'est tout le temps lui qui est pogné pour jouer contre les meilleurs trios des autres équipes. Plekanec est dû pour sortir. Pour ben non! Un gros là-dessus, il n'y a pas de valeur, Plekanec. Je suis d'accord. Si Plekanec, on peut l'envoyer ailleurs. Ouais, c'est finir. Un centre de troisième trio. Si Plekanec, ouais. On peut l'envoyer ailleurs. Parce qu'on a quelque un chose. Un bon troisième. Non, mais attends ou... un peu. Écoute, non. Si on peut envoyer Plekanec ailleurs parce qu'on a quelque chose d'intéressant qui peut prendre la place, j'ai aucun problème. Mais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hey, t'auras pas un joueur contre lui. Sors Plekanec, ton deuxième centre, c'est LR, esti. Donc, présentement, attends rien de lui. C'est dégueulasse, hein? Pas par rapport à un échange. Qu'est-ce que Montréal peut faire? C'est Galchenyuk pour aller chercher. Il est pas simple en ce moment, là. Présentement, Galchenyuk, là. T'as tellement fait cette année, puis ça a été prouvé qu'il est pas prêt, puis il est pas là, même. Ouais, mais c'est parce que là, il l'a pas. Ils l'ont essayé 15 games, man. Ça marche pas au centre. Ouais, mais c'est quoi? Galchenyuk avec Plekanec, ça marche pas non plus, man. Ok, ils l'ont essayé Galchenyuk au centre de la première ligne, man. Ça marche ouais, pas. Mais gars, Chaniok, là, donne-y un bon allié avec, man. Plekanec. Hey, il est au centre de la première ligne. Ok, mais là, ce que vous dites là implique des échanges chez le Canadien, puis c'est pas le cas en ce moment. Là, on fait avec ce qu'on a. J'étais un fan de Galchenyuk, puis je m'excuse, mais cette année, Galchenyuk, c'est sa deuxième année. C'est la gang de deux ans. Il est en l'année peine prochaine, d'amour. Je pense qu'il va être meilleur. Il est en peine d'amour. Lâche-moi à c'est peine un joueur. D'amour. C'est un... Hostie, sérieusement, là. Le Plekanec. Ouais, ouais. C'est un professionnel. Galchenyuk, c'est un joueur c'est un de centre. 21 ans. C'est un joueur de centre. À base, c'est ce gars-là. M'en fous. Montréal en a fait un. Comment qu'il y en a de joueurs de centre qui jouent à l'aile? Benji et deux, là. Comment que joueur de centre qui joue à l'aile dans la nationale? Non, mais là, dans une équipe de hockey, là, ça prend. Le gars, là, qui joue dans. Le gars, là. Le gars qui fait la mise au jeu, là. Le joueur de centre, là. Ça prend deux points des playoffs, Asti. Analyse de TV Sport. C'est aussi simple que ça. Ouais. Voilà, on chie, Théo, avec ton crisse de linge rose, Asti. Hey, je l'aime, son. C'est pas une parade de mode à TV, sacrément. T'es là pour expliquer. Il était pas rose, il était burgundy. Hey, fuck you, ton burgundy, Asti. Du burgundy, c'est de la boisson, calice. C'est-tu de la boisson, non. C'est une marque de sacoche. C'est un bar. C'est une couleur. Ça fait-tu le tour de la deuxième période? Ah ouais, mais gars, on va conclure. Moi, je trouve que c'est trop agressif. Personne va vendre Plekanec site aussi. Fuck les cols roulés, Carlis. Il y a juste toi dans ton camp. Monsieur col roulé. Parfait, man. Je suis fier d'être dans mon camp, man. Tellement fier, puis je vous accuse. Mark, t'es bien bon pour accuser Plekanec, mais t'as pas de solution pour remplacer Plekanec en ce moment. Ouais, Sherback s'en vient, puis si on va Sherback, on sait même pas. Encore dans Junior. Dans quel, mais t'es pas un joueur de centre. Tu es dans un monde de bonbons, sacrement. Un allié. Sherback va arriver, va être le premier trio, tabarnak. C'est quoi ça? Voyons, non. Ça vient bientôt. Hey, tu dis de la merde. Ouais, mais il joue pas au centre. Il joue pas au centre. Garde Chenier qui va jouer aussi. Oui, je suis d'accord, mais. Je me mets au centre, moment. Tu dis au centre. Ben, Marc, je m'excuse. Marc, t'as rien de nous parler d'un team différent. En ce moment. Un team différent. Man. White Dogs Hamilton. White Dogs. Le grand blanc. Val Club. C'est quoi ta bière? C'est de l'IPA. La grande deal. Ça rend fou. Ouais, ça. D'ailleurs, parlant de vendre le club, on parlait de avant de finir la période de GF que dès qu'on se fait compter un but, veut vendre le club au complet dans le chat de la de Facebook et sur les podcasts. Là. Headquarters. Hey, passe-moi ton doigt, toi. Ça, c'est tout en l'autre. Comme... J'avais goût en plus. Un call à l'intérieur de la soirée du podcast, c'est la première fois que ça arrive dans la saison. Je te call out, mon esti. Mais moi, je le support. Je te call out, mon esti. On ne vendra pas le club parce qu'on perd esti en série. Ouais, on le vendra pas, man. Non, mais... Il y a personne qui veut ça. C'est avec call out, Mart, c'est parce que c'est préjugé envers Plekanec. Je suis choqué, là. Chris, j'adore la ville de Kladno, pourtant. T'es un raciste. Non, mais honnêtement, là. Non, mais on vendra pas le club demain, là. J'ai pas dit qu'on vendrait le club. Mais... J'ai juste dit qu'on a un problème, c'est le top 6. Ils sont pas capables d'accoler dedans. Oh, OK, non, là. Mais t'étais pas loin, là. Ouais, non, on garde tout dessus pour la toile. Tout est de plégalique. Oh, OK, le but du jeu, c'est de compter un but. Mais on en parle en troisième. OK, coupe ça. Alors, on vous revient après l'entraque pour la troisième période. Un beau rat. On est retour pour la troisième période. Ah, il est là, ce costume-là, Pierre. Ça, il était mieux l'autre. Je l'ai, c'est en plus qu'il part. Il est là en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Ça, il était mieux l'autre. On va commencer la période avec Dave qui va essayer de nous faire écouter de quoi sur son sur sa petite tablette, là. Okay. C'est Pedneau qui mue. Faut vraiment pas parler, les boys. C'est la voix incroyable d'Yvon Pedneau, là. Attends, je vais monter le son, là. À celui qui agit comme le maraudeur. Le maraudeur s'appelle. Le maraudeur. Le maraudeur. Bang! Attends, attends. Faut le remettre. C'est déjà moi, on va tomber le maraudeur. Mais il va opter pour la passe la plus facile. À celui qui agit comme le maraudeur. La voix, il manque solide. Ah, mais un autre qui mue Alain Crête, c'est-tu incroyable à chaque intervention? Mais là, il est à RDS. Oh, j'ai mué aussi. Mais là, non, non, mais t'as peu. En fait, là, il travaille plus. T'es RDS, mais lui, à chaque intervention. 98.5 et tout. Le maraudeur. Bah, c'est lui qui commente les matchs du National. Le maraudeur, alors, ça revient en maraude. J'entends monter mon volume, Dave. Remonte mon volume. Remonte ma valème. Non. Alors, vous comprenez GF qu'on va essayer de lancer contre. C'est sûr que je peux se faire des beaux séries préférées à Malette. C'est un fan. Moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, toi. Oui. OK. Soyons un peu plus légers pour la troisième période. Je trouve qu'on était pas mal trop en crise pendant qu'Alex s'étouffe avec sa bière. Ça fait. Ça fait. Je suis correct. Je suis correct. C'est malade. Donc, de quoi qu'on parle, là, en troisième, j'ai pas de sujet. Non, non, mais attends, on parlait de quoi juste avant qu'on vienne? Tu m'as callé out, mon gars. Tu m'as callé out. Ouais, mais justement, là, je voulais expliquer une chose pour vous autres. J'ai callé out. On vient, on ramène le monde dans le contexte. On récapitule. J'ai callé out. Le monde qui l'écoute en podcast, eux autres, c'est comme, il y a eu un gap de genre 5 secondes entre les back, là. Mais j'ai callé out ma lettre pour lui dire que ma lettre, il voulait vendre le club parce qu'on avait perdu contre Tempo. C'est vrai, ça. On l'a vu. Ouais, on l'a vu. Un peu en appui, moi tout, je voulais vendre le club. Non, mais vraiment, là, le problème avec le Canadien de Montréal, ça, on s'entend tous que c'est l'offensive. En ce moment, oui, à part ça, on s'entend. Après nos multiples conversations, je pense qu'on peut. Ok, mais attends un peu. Attends un peu, là. Il manque de centre. Après 34 épisodes de la soirée du podcast, on peut dire sans contredit qu'il nous manque un centre de qualité. Un peu, là, j'arrive avec une question. Et de là, Plekanec pourrait prendre le bord si on avait un bon centre. Ouais, mais t'as peu, admettons là, qu'on réussirait à avoir. Moi, je dis ça de même, OK? Crosby. Nugent Hopkins. Hey, lâche-moi avec ça. Parce que les Oilers, là, Nugent Hopkins, il reste. Je pense qu'il va rester parce que tu vas avoir McDavid puis McDavid, Nugent Hopkins comme ça. Ouais, mais c'est avec Taylor Hall qui va jouer. Ouais, mais attends un peu, le McDavid, là. McDavid, il va jouer sa deuxième année. Connor, McDavid. Peut-être, mais après ça. Sûrement. Connor, le barbare, là. Moi, si je serais le coach là d'Edmonton, je mettrais McDavid avec Hall. Et après ça, je mettrais Nugent Hopkins avec le Eberle. Okay. C'est sûr et certain que c'est Eberle. Jeff, Nugent Hopkins, tu le prendrais-tu dans le team? Oui, c'est sûr parce que c'est un upgrade sur ce qu'on a. Ça, ben, c'est sûr. Certain, là. Mais par contre, okay, mais ça, pas que mais Connor le barbare, là, on sait même pas ce qu'il va faire dans les nationales encore. Là. C'est qui qu'on a le barbare? Connor McDavid? Connor McDavid, il va jouer à Edmonton. Hamilton? Chris! Edmonton! Ed! Non, mais au point, ce que je voulais emmener, c'est qu'à Montréal. Je comprends. Hamilton. Moi, je veux pas vendre. Chris, tu veux dire Hamilton ou Edmonton? Écoutez, j'ai chaud. Ok. Ben, Eberle, on va le chercher avec qui? Non, j'ai pas dit qu'on va chercher Eberle. J'ai juste dit qu'on. Monsieur Hopkins, contre qui qu'on l'a, man? Contre qui qu'on l'a? Contre rien? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. C'est sûr, parce que tu fais pas un mauvais avis sinon. Il y a Chicharelli, là, il vendra personne. Okay? On peut-tu revenir sur le hockey comme du monde? On se pourrait dans Jose. Où est-ce que je vais en venir pour que Dave, genre, il fait un call-out dans les mains sont réunis pour Jose. Je veux comme me défendre, défendre ma cause devant l'arbitre. Quoi? Anne-France Goldwater. On n'a pas JF, on n'a pas les moyens d'engager Anne-France Goldwater. On n'a pas assez de place pour avoir du 4D ici. Vous êtes pas concentrés, est-ce que? Désolé. Oh, mais c'en est fait. C'est pas vrai, Chris, JF, faites quoi, là? J'ai chaud! Il fait chaud, est-ce que? Hey, c'est l'air, ça parle de la couverture. Damn right! Ça semble que t'as mieux l'autre, hein? Non, ce que j'ai emmené, c'est qu'à Montréal, il y a un problème sérieux au centre. Pas au centre, mais je veux dire. Il y a un problème au centre. Mais oui, il y a un problème au centre. Mais quelle chose non, merde. Ça prend. Hey, là, là, on est supposé être en playoff, les gars, puis on choke comme le Canadien contre Tampa. Ça prend de... Oui, c'est vrai, ça prend de quoi pour améliorer le club à l'avant. C'est ce que je demande. Pourquoi? Pour qu'on compte des buts, Colin! Non, je dis pourquoi parce que j'ai pas compris, je te dis! Jeff, structure tes propos! Jeff, structure, pis Dave, t'as une couette incroyable en ce moment! Notre top 6 fait dur. Donc, la job à Bergevin, c'est de l'améliorer. C'est ça que ça prend à Montréal. OK, mais là, Mark a dit qu'on pourrait amener Nugent Hopkins. Non, non, mais Nugent Hopkins, ça, c'est une proposition de chandrette. J'aimerais ça savoir, par exemple, comme qui qu'on irait chercher, Mark, Nugent Hopkins. Contre notre choix de première, deuxième, troisième. Ben, écoute, ça coûte. Regarde, ça, c'est sûr, là, comme... Jess, tu parles pas dans le micro. Ouais, tu peux parler dans le micro. Les Islanders, t'en sais-tu quand ils ont fait leur choix de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ronde et septième ronde pour le premier choix d'Edmonton en 2012? T'en sais-tu de ça? Non, non. C'était de la calice de barbe. Non, mais vraiment. Moi, je ferais pas ça. C'est ça qui arrive. On sera pas écoute, renouvelé, Dave, les gars. Si tu veux des questions puis plus d'arguments, là, voici ma carte d'affaires, appelle-moi. Ah, on m'indique en ce moment à l'oreille que ça a l'air que ça se peut qu'on vienne pas l'année prochaine. TVA Sport nous a pas signé non plus. Pis, okay, y a personne... on est dans le déficit en ce moment. Ok, mais sérieux, nous, John, les auditeurs nous quittent. Là. Plaisir, là, tantôt, là. Je pensais non, pas notre, que ça. Du John Hopkins, là. Qui? Nous, John Hopkins, il n'y a rien à faire. Il donne même pas des coups de poing de coude, Steve. J'ai les nominations pour les trophées de la NHL. On pourrait peut-être passer là-dessus si on voulait. Allons-y. Bon, alors, les trois finalistes pour le trophée Norris, ça, je pense qu'on en a parlé autrefois, Drew Doughty, Eric Carlson. On a parlé au dernier podcast, ça, non, non, non, on n'a pas parlé. Mais oui, est-ce qu'on avait parlé du Hart? On a parlé, non, pas parlé d'Hart, on a parlé du le dernier trophée. On est rendu au Hart. C'était le Vizina. Sans les tapes, sans les game tape. Ça a l'air qu'on en a parlé ou qu'on n'a pas parlé. Le Vizina. Okay. Non, mais on va passer au trophée Hart. Norris, si, man, on était tous surpris, qu'est-ce que... On a peut-être juste chatté. Ouais, on a chatté. Ouais. OK, les nominés pour le trophée Hart. Alex Ovechkin, John Tavares. Attends, c'est... là, reviens à l'autre. GF. Ouais, le trophée Chuck Norris sera remis. Ouais. Attends. OK, le premier trophée, c'est le Norris, right? Le Norris. On peut passer voir qui qu'on pense qui va gagner. OK, le Norris. Drew Doughty, Eric Carlson ou Piqué Subban. Vas-y, Alex, on va faire un tour. Ouais, tour de table, parce que là, il faut parler d'hockey un peu. Si Alex va parler? Carson. Oh, shit. Subban. Mart, qui tu penses qu'on gagne Norris? Dans Subban. Les choix, on parle des choix ouais, qu'on a. Ouais, les choix. Dans Subban. Les deux nominés. Moi, je pense que les gens qui prennent une décision là-dessus, c'est tous des trucs de cul, fait qu'ils vont dire Carlson. Ouais. Mon choix, c'est Subban. Moi, je vais dire Subban aussi. On va dire Subban, moi aussi. Alors, on est pas mal tous unanimes. Plus, plus, moins. Ouais. Ouais, je vais pas penser Carlson. C'est quoi, tu vas péter à console. C'est parce que Carlson, ouais. Ce qui arrive, c'est que les sénateurs ont tellement une belle histoire que Carlson a tellement non, produit, non, non. Mettons, au mois de février à mars, ou avril plutôt. Ouais. Fait que je pense qu'ils vont donner le choix à Carlson. Non, mais il a sorti fort en tabarnak, par exemple. Ça, faut lui donner. Oui, il a sorti fort, c'est de valeur, parce que ce gars-là est tellement maigre. Là. Ça, cette phrase-là, il a sorti fort. Là. Hey, Yannick Chalifou dans le chat qui dit Carlson, lui aussi. Ah, c'est ça, mais vraiment... Subban va gagner ça deux fois en ligne. Carlson, là, honnêtement, les gars, là, il est tellement maigre, ouais. Que moi, Subban je lance un sandwich tabarnak. Il n'a pas gagné l'année passée. Il connecte ça. Une fois à TVA Sport, il y avait Carlson, puis il dit... Alors, on me dit que Carlson paye 180 livres. J'ai beaucoup de misère à croire ça. Ça, c'est Félix Séguin. C'est du grand journalisme. Lui, il est c'est un des meilleurs patrons. Ah, mais là, on parle de c'est sûr, il est tellement léger. Il n'y a même pas de pénis. Si on sait bien. C'est qui ou quoi? C'est Ken. C'est quoi tes sources? Ce que j'ai compris. Patrick Lalime. C'est Ken, le gars. T'as-tu dit que Séguin n'a pas de pénis? C'est Réjean Houl. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on passe au prochain trophée? On passe au prochain. Allez-y. Le trophée Hart maintenant. Alex Ovechkin, John Tavares et Carey Price. Carey Price. Le trophée Hart qui est remis aux joueurs ayant... Ovechkin, Ovechkin. Le trophée Hart, c'est remis au joueur ayant été le plus fort sur la glace mentalement utile. Puis Price. Non, c'est le plus Price. Utile à son équipe. C'est ça, ça peut se résumer à ça. Que Price, mais le sérieusement. Le joueur le plus utile à son équipe. Ce qui Price. Est officiellement la définition. Puis c'est pas joueur, puis honnêtement, Price. Selon moi, c'est même pas un contest, c'est sûr c'est Price. Que Price a été plus utile à son équipe. Techniquement, oui, oui. C'est pour ça que je t'allais même pas demandé. Ovechkin, le haut la main. Mais Ovechkin a connu une bonne saison. Oui, mais pas autant que Price. Mais il joue avec fucking Backstrom. Fait que... Tu sais, on dit souvent que... Ouais, mais t'as peu. La shot qu'Ovechkin a, là, il a pas besoin de Backstrom, par exemple. Ouais, non, mais... Tu sais que le Canadien était si médiocre à l'attaque. Il est pas capable de la rentrer dans la zone. Hey, Mark, tantôt tu disais que... Ovechkin, man, c'est un esti de patineur puissant, man. Ouais, mais il y a pas... Il y a pas quelqu'un pour y fournir, là. Je suis pas d'accord. C'est quoi la seule raison que le Canadien s'est rendu en série? Déjà, t'as dit ça tantôt. On a dit que le Canadien avait 110 points en ce moment à cause d'une personne, Carey Price. C'est la seule raison qu'il a besoin. Alex, attends, là. Ovechkin, là, c'était comme une bonne mention que j'en faisais. Une très bonne mention. Parce qu'il a upgradé en sacrament cette année, sérieusement. Ouais, mais Ovechkin, là. Honnêtement, tu sais quoi? On s'en calme. Je suis pas le plus gros fan d'Ovechkin. Cette année, parce qu'Ovechkin, il a l'air one trick pony, man. Cette année, Ovechkin, je le regarde, là. Puis j'aime ça le voir aller. Pourquoi? Parce que, man, il a changé ce gars. Ouais, ça il peut changer, man. C'est Barry Trotz. Ça, c'est à cause de qui? Barry Trotz. Barry Trotz. C'est pas Bruce Boudreau. Ah, mais il s'amène pas, man, lui, pis Boudreau, là. Yannick Chalifou qui le donne à Price. Boudreau, il a jamais coaché Steve Ovechkin, Calis. Merci, Nick. Ouais, mais Nick Chalifou, t'es pas ici. Non, mais il est dans le chat, là. Ah, Bruce Boudreau. Ah, il compte. Bruce Boudreau, t'es pas ici. En tout cas, si Price gagne pas... Dave, tu repousses les 4 fans qu'on a dans le chat en ce moment, là. Je les repousse. T'es repousses. Si Price gagne pas... Partez pas, j'ai un scoop pour vous autres à la fin. Oh. Juste à la fin, c'est comme une émission de télé. Attendez, là, vas-y Alexandre. T'as peu, je veux juste savoir que c'est pas un scoop sur Bruce Boudreau, s'il te plaît. Non, c'est un scoop sur le Canadien. Merci de me rassurer. Toutes les si Price gagne pas le Hart, tu me dois 40$. T'as lu son livre, tu fourrais des putes, Bruce? Mais non, c'est un gars de famille. Il est pas capable, si. Alors, prochain trophée. Ben, avec du Viagra, il va être capable. Prochain trophée, prochain. Non, il n'y arrive pas. Non, il est pas capable, c'est Ken. Le prochain trophée est le trophée Master. Ok, c'est bon. Le Masterton. Il n'y a pas de pénis. Polo Coelho. Rappelle-nous, c'est pourquoi le Masterton. Je ne sais pas, j'ai pas les affaires devant moi. Le Masterton. C'est un peu chaud, là. De quoi qu'on parle. Masterton, ce petit-là qui a accompli. Je pensais que tu faisais les stats sur la grosseur du pénis à Boudreau. Comment, les gars, on se concentre. Le Pastor. On veut savoir à qui. Le Pastorton. Le Pastorton. Le Masterton. À qui s'est remis ça, ce trophée-là. Le Masterton, c'est pas au gars genre qui a fait le plus de progrès dans le meilleur vie, joueur là, défensif. Le Masterton, c'est le joueur qui a fait un meilleur retour comme cette année. Ouais, là. C'est ça. C'est le c'est joueur comme le joueur qui a montré le plus le persévérance. La persévérance. C'est ça, persévérance. Ouais. Page 1147 dans le dictionnaire. Hein? Ouais, tu savais pas? Dans le livre des. En plus, Dave, t'as fait la faute que tout le monde fait. Ce n'est pas le Masterson, c'est le Masterton qu'on dit. Masterton. T'as dit Matterton? Matterton. C'est de l'air qui vient du Matterhorn, là. C'est qui les nominés du Masterton? Ben, si vous me laissez parler, je vais pouvoir les dire. Alors, le Casterton, ça. C'est un trophée, genre. Le Pabst Blue Ribbon. Ça, c'est un trophée, genre. Paulo Coelho. Et voilà, le trophée Paulo Coelho sera remis entre. Les nominés sont Devin Dubnyk, Hammond et Chris Letang. Chris le temps, man. C'est sûr, c'est pas lui, man. Sa carrière est peut-être finie. Non, c'est vraiment le gars qui est quand même revenu d'un autre. Persévérance et esprit d'équipe. Le deuxième, c'est qui? Dubnyk, puis qui? Amen, Dubnyk et le temps. Écoutez-moi non, Esti. Dubnyk. C'est le Perseverance Sportsmanship, la dedication to the ass. Dubnyk, man. Fuck Amen, Esti. Dubnyk, fuck le Burger. C'est Dubnyk, Dubnyk, man. Il arrive. Des classes en bas, mais carrément. Le temps, il y a un overture. Dubnyk est nommé pour genre le Hart ou le Vézina ou quelque chose. Il est mort, Dubnyk. Il est nommé pour le Vézina, ouais. Fait que Dubnyk. Dubnyk. Fuck Hammond, fuck le temps. Le temps mérite une carte de recense maladie. Mais le temps, c'est parce qu'il est sorti Nick, dans CV. Nick Chalifou dit Dubnyk lui aussi. Ouais. Merci ouais, Nick pour tes commentaires. Tout d'accord, ouais. Nick, tu connais ça. Il devrait devenir un réserviste, lui-là. C'est moi, tout vous clairer, moi, engager Nick Chalifou. Bon, le prochain, le NHL. Really? Ouais, je vais vous fouetter les troupes comme ça. Le NHL Foundation Honor Award. C'est parti de notre pop podcast. Burns, Giordano et puis Lundqvist. C'est quoi le genre, le monde qui ont donné plus d'argent aux enfants? Ben, c'est sûr qu'ils ont le meilleur implication de la société, le NHL Foundation Award. Je sais pas qui a fait quoi, mais je peux dire une chose, que Burns doit faire peur à du monde en tabarnak. Ah, c'est écœurant, ce que je vous ai montré. C'est Price Burns, puis qui la photo de Burns? C'est chanteur de Mumford & Sons. C'est écœurant. C'est quoi les choix de Burns? Il y avait l'évolution de Burns, son look, là, c'est terrible. C'est quoi les choix de Burns? Il ressemble à un... Je répète les choix. Il y a plus de dingue. Non, il y a même pas Price. Vous écoutez pas, là. Burns, Giordano, puis Lundqvist. Whatever. Je sais pas qui donner, man. Whatever. Moi, je vais choisir. Brian, c'est pas là, on s'en calisse. Hey, hashtag, on s'en calisse. Ouais, on s'en calisse. Le prochain, c'est le Messier, le nouveau trophée Marc Messier. C'est quoi le Marc Messier? Le joueur ayant le plus grand leadership lors de la saison régulière. Okay. Okay. Les nommés sont. Les nominés sont. Getzlaff, Ladd et Taze. Ah, Taze. Taze. Getzlaff, mention très honorable quand même. Là, je veux dire. Ok, ouais. Je veux dire Taze. Alors, Taze. Même si ma tête me dit Ladd, là, je veux dire. Le premier, c'est qui? Getzlaff, Taze. Getzlaff, Ladd et Taze. Andrew Ladd. Ouais, mais Andrew Ladd, il est solide. Ouais, puis ouais, il est solide, mais tu sais, c'est pas comparable à Getzlaff et Taze. Pour l'équipe qu'ils ont, là, Chris. Ladd, il est le team. Ouais, il joue, Mark. Hein? Il joue où? À Winnipeg. Ouais. Ouais, il a bien raison. Parce que ça veut pas. Je teste. Le prochain trophée étant le trophée Ted Lindsay. C'est vrai que Ladd. Ted Lindsay, c'est le joueur le plus populaire. Non. C'est pas quand le fameux voyeur quand le sujet est fini. Il n'y a pas de trophée que c'est le joueur le plus populaire. Ouais, non, mais c'est un pote. Non, ça ressemble. Laissez-moi donc introduire le calice de trophée, mais vous le dire, c'est quoi le trophée. Le trophée Ted Lindsay. Il va pas introduire le trophée. Le trophée Ted Lindsay, le prochain trophée, anciennement connu sous le nom du trophée Lister B. Pearson, est remis au joueur ayant été choisi par ses pairs. Fait que c'est le joueur voté par les autres joueurs. Fait que ça veut dire que ton père peut voter, mon père peut voter, ton père peut voter. Non, Dave, je pense que t'as pas compris. Okay. Les nominés sont Jamie Benn, Alex Ovechkin et Carey Price. Je pense que les joueurs vont voter pour Carey Price. Je pense qu'ils vont voter pour Carey Price, moi aussi. Ça serait cool. Y a-tu quelqu'un qui m'explique pourquoi ils ont appelé ça Ted Lindsay? Je n'ai pas regardé ça. À cause de Bill Lindsay. Parce que Ted Lindsay. Pour honorer Ted Lindsay, joueur des 17 saisons dans la NHL, dont 14 avec les Red Wings. Il aimait ben ses... ouais, ben. Puis peut-être Lindsay. Il était-tu populaire, genre? Non, mais ça il doit, aimait là. Ses pères. Il faisait des box pop. Il était bloqué, man. À 1960. Ben ouais. Il aimait ses pères. Ben non. Ok, c'est comme le Hart, mais voté par les joueurs. C'est ça. Bon, puis Nick Chalifou dit Price. En tout cas, ça sera jamais Gallagher. Ben non. Cheap shot, Asti. Ouais, bon, puis le dernier trophée qui a été annoncé ici, voici les finalistes pour le trophée Adams, le trophée Jack Adams, Bob Hartley, Laviolette et puis Alain Vigneault. C'est plat. Bob Hartley. Je pense que ça va être Hartley, moi aussi. Hartley. Oui, c'est sûr et certain. C'est pour la saison. Hein, non, ça compte pas pour les séries. Il n'y a pas personne qui... Non, la bague de la Coupe Stanley, elle m'en a foutu. Tu vas te convaincre, Chris, toi. Toi, là, bon joueur, ferme ta gueule. Non, mais moi, j'ai même pas parlé. Toi, tu vas fermer ta gueule. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as fait, toi? C'est quand même drôle de voir que Patrice Brisebois a plus de vocabulaire en voyant chier en dans deux vestiaires qu'à TVA Sport. Un petit rappel que Bob Hartley avait gagné la coupe. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis comme, Chris, man, Brisebois, dans le fond, il fait pas même à TVA. Brisebois. Tu sais, sur le feu de l'action, il est bon. Non, mais Chris, c'est le meilleur yol aussi. Donne-lui pas le temps de penser, puis il est correct. Non, mais ça, c'est... en même temps, c'est du gros trash talk de Patrice. J'aime ça, Chris, qu'est-ce que Hartley dit là-dedans, là. T'as chié d'un coin, ça, là. Femme ta gueule, t'as chié d'un coin. Femme ta gueule, t'as chié d'un coin, ouais. C'est comme ça. Ça, c'est la shot dire, après Exit Nick. Il n'y a rien à rajouter à ça, là. Ben, il fait référence ça, à ça. Ça, c'est un drop de Mike. Mentionné par McLaren à Boston. McLaren, il a dit ça. McLaren n'est pas McLaren, c'est man, qui a... Il avait donné un close line à Richard Zetnik, puis que Brisebois avait oublié de le. Ouais, Brisebois, il est allé le saluer, genre, au lieu, là, tu sais, de rentrer. Good dans shot, le buddy. Don, là. C'est, ouais, c'est ça. Fait Brisebois, il a dit, hey! Excuse-moi. Fait que si tu penses qu'on a gagné le trophée Hart? Non, on est rendu au trophée Adams, là. C'est ça, je veux dire. Puis Nick Chalifou dit Bob Hartley. Bob Hartley, le beau Hartley. Bartley. Il m'irait cette année pour vrai. Là. Non, mais qui c'est qui voyait premièrement Calgary en série? Jamais. Je pensais que Hartley aurait perdu sa job. Il y a eu 10 victoires de plus qu'elle est passée. Gaudreau, il a sorti des gars comme Gaudreau, man. Les Rangers ont gagné. Rangers ont gagné. C'est une chance, c'est bon pour mon pauvre. McDonough, je suis en tabarnak. Esti McDonough, calé. Est-ce que quelqu'un a calotté, toi? Hey, comment il a pris sa ancienne direction? Allez, Ghost. Ok, ben j'ai plus d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Gaining. Je sais pas. Ben là, t'as de la musique, ils sont pas con. J'avais pas un autre sujet à part que les Hawks avancent au troisième tour à Battle of Wild en 4. Les Hawks, man. Les Hawks pour la Hawks coupe. Pendant que GF mange du popcorn qui vient d'affaire. GF, les Hawks pour la coupe. J'ai dit qu'Anaheim gagnerait la coupe, mais les Hawks pour la coupe. Change d'idée, Dave. Ben, non, il est trop tard, mon choix est fait, mais je dis les Hawks pour la coupe. Non, mais on peut toujours comme refaire les Hawks pour la coupe. Tu dis ça de même, là, comme ça. Les Hawks pour la coupe. Parce moi, je dis la Canaille, man. Moi, je dis les Hawks parce qu'ils jouent trop bien, man. Ça va être quoi la finale de la coupe, selon vous? Maintenant qu'on a vu deux... Ça va être Hawks contre Capitals. Moi, j'irais plus... Capitals contre Anaheim. Moi, dans ma finale, présentement, c'est Rangers Anaheim que j'ai mis dans le pool. C'est ça. Puis Anaheim gagne. Puis Anaheim gagne. Oui, t'as mis ça? Fuck you, man. Moi, ce que j'ai mis, c'était Tampa Anaheim. Mais j'ai mis Rangers Anaheim, mais ça va être Capitals Hawks. Tampa Bay. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Non, ça va être Capitals Ducks. Tampa Bay contre Chicago. Quoi? Les Hawks sont... Ah, j'aimerais ça que la foule crie ça. Man. Sérieusement, c'est un choix de cœur. Les Caps, quand ils vont arriver en avant de Bishop, Bishop va se faire trop... Question d'intérêt général comme ça par rapport à Tampa Bay. Question mystère. Question mystère. Pourquoi les fans de Tampa Bay chantent la tune de Seven Nation Army? Oh, mais ils chantent la même à Ottawa. Parce qu'ils ont rien à chanter, eux autres. Mais non, ils ont pas de personnalité. Parce qu'il y a personne qui joue de l'orgue, merde, là-bas. Non, mais des Ottawa, ils font. Anglophones, ils font ça. Ottawa, ils l'ont fait Tampa. Ils ont rien à chanter. Ils essaient de se faire un chant de soccer. Jeff, ton micro est comme levé dans les mains. Moi, j'ai des raisons pourquoi ils ont chanté ça. Oh, ça y est. Lui, il sait, hein. Il y a la situation. Malotte, il est drôle après la troisième bière. Commence à avoir la misère articulée, là. Commence à être fun. La crème. Seven Nation Army, là. Seven Nation Army. Il y avait un H là-dedans. Il ouvre la bouche, pis c'est drôle. Il parle comme indien. Seven Nation Army. C'est pas son cas, vas-y, je chante ça, tabarnak. Y'a pas d'autre raison, quoi. Hey, Dave, y a Nick Chalifou dans le chat qui veut qu'on parle de Sami Zayn. Oh! Sami Zayn. Bravo à Sami Zayn, lutteur de Montréal, qui a fait ses apparitions à Raw cette semaine. C'est que j'étais content. 16 apparitions. Il en a fait plusieurs, non? C'est qui? C'est un gars avec qui on a lutté, moi, Dave. Il a gagné. Non, il a perdu contre John Cena parce qu'il s'est blessé parce qu'ils l'ont fait se blesser, tu sais. C'est bon, c'était très bon. Puis, hostie, que j'étais content de voir ce gars-là devant des millions de personnes à télé. Tellement fier de ce gars-là. Félicitations. Bravo, Sami. Déjà, t'appelles un scénario à lutte, là. C'est du kayfabe. Je sais pas ce que tu veux dire. Un work. Un work. Mais du le kayfabe. Un storyline. C'était le book. C'était tout booké, ça, là. La lutte, c'est pas vrai, gimmick. Alex. Ouais, c'est quoi les termes que ça va? Une close line? Dis-moi ce que tu dis. Ah, de quoi vous parlez? Non, mais ton histoire. La storyline? Ouais, mais... La feud! C'est pas une feud. Une feud, c'est en deux lutteurs. Calvaire, Alex. Cherche-t'es comme ton arc. On vient tout te dire. Ton arc! Ton arche narrative, ton personnage. C'est ça, tu sais, ton personnage. Il y a pas de ça. Normalement, t'en as deux. Tu sais, il y a un push, tu sais, tout ça. Ah, il y a eu son push, man. Bah, je sais, ils sont push, ici, ils étaient champions de la NXT. Qu'est-ce que tu cherches comme mot qu'on trouve pas? On parle de lutte, tabarnak. Mais en tout cas, ouais, so this is not fucking wrestling. Nick dit sa gimmick. C'est ça? On cherche. Gimmick, c'est ton personnage. Tout dit les termes, là, Alex. Sa gimmick, c'est un arabe roux. Ben, c'est pas une gimmick, c'est vraiment ça. Ah, ok. Ok. Ah non, mais Chris, il y a le saut. Sur son saut, il y a le logo. Il y a le logo de Montréal, c'est les fesses. C'est les fesses. On s'en calisse. Non, on est fier. Faut être fier. Alors, Chris, là. Faut être fier, madame. On parle de fucking wrestling. C'est ce qu'on avait à dire, madame. Je sais. Mais c'est pas fucking wrestling, ça. Et tabarnak. Là, la troisième est finie. Fait que je propose qu'on puisse finir peut-être sur le. Une photo du reptilien. Ouais, mais on a ça à l'écran de JF, là. Ballette me montre sa porn, genre, là. Tu sais, du Scotty Batman, là, tu sais, avec. Ça a l'air que Gary Batman serait peut-être un reptilien. Il joue dans V. Ça a l'air. Checker ça comme du monde. Je pense que c'est peut-être. On aurait fini le choix avec la rumeur à GF, là. Ouais, vas-y. Ah oui. GF aurait un scoop ou une rumeur, là, que t'as dit tantôt. T'es trop chaud, tu t'en rappelles plus. Ça va être savoureux avec son état en ce moment. Premièrement, je voulais que le monde reste en onde. Ouais, t'as fait comme un split crachat, mais c'est quoi ça? J'espère que ça a pas tombé dans ma bière. Non. Il a fait comme un double split. Non, la fin qui me fait rire, là, j'aimerais qu'on parle un petit peu là-dessus, qu'on élabore. C'est le fait que le monde commence à y croire pour demain, pour la game du Canadien. Puis je pense sérieusement que croire à quoi? C'est de valeur. Croire qu'on va gagner la série. Mais non, gagner la game demain, on peut. Non, mais aujourd'hui, là, c'était tout le temps. On peut gagner la game demain. Tu vois les gars genre qui étaient tout avec leur polo. Ok, hey, Malette. Jeff, on peut-tu gagner la game demain? Comment? On peut-tu gagner la game demain? Non. On est dans... Ben non, voyons donc, est-ce que... Non, la question, honnêtement, c'est on peut-tu gagner la game demain? Oui, je te réponds honnêtement, non. On peut pas la je suis pas gagner. D'accord pour plusieurs raisons. On peut pas gagner. Price est solide, Bishop est shaky. On est à domicile. Non, non, mais attends un peu. Je dis pas qu'on va la gagner. On peut-tu la gagner? Ben, n'importe qui peut gagner. Et voilà. Mais la question répondue. Je pense pas qu'on va gagner. Non, fait que n'importe qui peut gagner, mais pas le Canadien. Le Canadien va perdre la série. Ça, c'est quasiment sûr, Asti, à 100%. Là, je mettrais, 99 points. S'il gagne, ça va vraiment cingler. Je mettrais un vieux 2 là-dessus. Non, mais la raison fait pourquoi... Fait que toi, t'aimerais qu'il gagne. En papier. Fond, là. Mais pourquoi pas? Qui ici voudrait pourquoi pas que le Canadien gagne? Tout le monde... Pourquoi le Canadien? Moi, pas moi, parce que je veux pas sportif. Moi, premier, je veux qu'il gagne, mais je tu veux pas qu'il gagne, tu veux vendre le club? Non, non, j'aimerais ça qu'il gagne. Envoyez ça, Asti, à le problème avec le club du hockey canadien, là, nos glorieux, là, c'est toutes des crises de gaspissette, Asti, que toute l'année nous font croire qu'on a des chances. Puis après ça, à toute dernière minute, est-ce qu'il nous brise le cœur, sacrément? C'est ça le Canadien de Montréal. Ah, mais GF est un peu c'est quoi l'objectif? Pensé, ouais. Hein? C'est quoi l'objectif non, cette année? Ouais, faire les playoffs. Faire les playoffs. Accompli. Mais oui, mais. Moi, je pense que GF est si, en si, avant, si quelqu'un, ouais, là, fait. Si Bergevin fait un speech à un joueur pour signer un contrat à long terme, notre but, là, pour les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on OK. Notre but, c'est de faire les playoffs. Le joueur va dire fuck you, je vais aller gagner la coupe ailleurs. Ton gainé, notre but, c'est de gagner la coupe. Écoute-moi, la petite vierge offensive. Moi, lui, si, est en mon scoop, c'est qu'on gagnera pas demain, on perd 2-1 en prolongation. C'est pas un scoop, ça. C'est pas un scoop. Je veux que le monde reste en ligne, ouais, c'est le fun pour les 4 qui écoutaient live, là. Non, non, vraiment, mon scoop, sérieux, le monde, c'est que Manny Malhotra veut s'acheter un Cadillac Escalade. Bon, ça y est, Sti. Bon, ben, ça pour ils ont ça. Pas tiré son trésor. Hey, ben, Shot Insider. Moi, si je suis resté jusqu'à la fin pour apprendre ça, si je suis déçu. Là. Hey, Malotte, merci pour le scope. L'option qu'il a fait mettre dessus, c'est une boule de trailer pour déménager. Le pire, c'est qu'il a dit à un de nos représentants, c'est qu'il voulait aller avoir un noir, puis il a dit « OK, c'est bon, je vais y penser, je vais revenir la semaine prochaine. » Parce que la semaine prochaine, t'es à Tampa, là. Okay. JF place ses intérêts personnels avant l'intérêt du club. De descendre JF. Tu passes au salaire avant le numéro. Ah, traîne ta poche de hockey à Hamilton. Ouais. Non, non, mais sérieux, là, le Canadien peut gagner demain. Je dis pas qu'ils vont gagner. Je mais sais, mais c'est parce que ce qui me. Hey Dave, c'est-tu quoi? Le Canadien peut gagner demain. Le Canadien peut gagner la 6e game. Puis le Canadien pourrait même gagner en 7. Ça arrivera probablement pas, mais il pourrait. Hey, le Canadien. Oui. Hey, check bien ça. Check bien ça. J'y vais de mon. Vas-y donc ton analyse. Mon analyse. Oh non. Le Canadien l'année passée a wipé Tampa. On le wipe encore. Fait 4 games cette année. Back d'un but, Carlis. 4 games cette année. On a perdu 8. J'ai de la peine pour toi que tu dises des choses comme ça. De la peine, mais pourquoi? Tu vas pleurer demain. Mais pourquoi je pleurais? Pleurez pas, je le sais que le Canadien a pas de chance de gagner. Ça, ben toi, t'as tellement peur de pleurer que tu dis ça. Quoi. Le Canadien a pas de chance. Juste parce que tu protèges. C'est fini. Le Canadien quoi? Le Canadien a des chances. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est profond. C'est un méga challenge. Est-ce qu'ils ont des chances? Ben oui. T'as tellement peur de perdre. Oui, c'est vrai qu'ils ont des chances. On a le meilleur goaler de la ligue, puis on affronte le goal le plus shaky des playoffs. Oui, on a des chances, ça va arriver probablement pas, mais on a des chances. On peut pas dire qu'on a pas de chance. On peut pas dire qu'on a pas de chance. On a une chance sur deux de gagner la game. Non, si on perd demain, si on perd demain soir, là, le monde qui écoute le podcast lundi vont être comme est-ce qu'ils sont perdus. Non, mais non, non, ouais. Tant que t'es pas éliminé, t'as tout le temps une chance. Ouais, ça finit là, gars, écoute. Mais en même temps, c'est parce que les probabilités sont vraiment faibles. Tu comprends, GF, comment tu te sens? Parce que dans le fond, t'as tellement peur violé. De perdre que tu dis tout de suite. J'ai pas que j'ai tellement peur de perdre, c'est que à toutes les années, c'est la fucking même histoire. C'est sûr qu'on perd. À toutes les années, là, mettons, on pense, on a une chance de gagner la coupe. Oh shit, attendez les gars. Mallette se sent violé. C'est la première fois que ça arrive. Il y a un fan dans la chatroom qui call out GF. Alors, Nick Chalifou call out GF en disant « Enlève ta casquette, t'as mérite pas. Oh! » Oh, ça joue rough entre les fans et le club ici. Je l'ai eu gratis parce que j'ai gagné la manette de bronze pour GM. C'est vrai, ils m'ont donné une casquette ouais, canadienne. Ça, ben là, on s'en colle. Non, mais la raison pourquoi je la mets, c'est parce que je suis pas peigné. Dave non plus, puis c'est pas une raison. Oh, regarde, deuxièmement, j'aime le Canadien. J'aime le Canadien de Montréal. Ouais. Esti, je ne vis que pour le Canadien de Montréal. T'es aveuglé, man, par le Canadien. Je suis pas aveuglé, enfants, Esti. Oui, c'est les fans Canadien qui croient qu'on va gagner demain qui sont aveuglés. Non, Esti. Toi, c'est ça, t'as tellement peur. Ils vont perdre. Parce que. Parce ouais, mais sérieusement. Pourquoi ça fait dire moi, je pense qu'ils vont gagner? Non, sérieusement, là-dessus, je me rallie à. Mais vous avez tellement peur de traiter de fan que vous avez peur de dire qu'on non, mais regardez non, ça non, de non, façon objective. Non, non, j'en regarde pas ça avec mes lunettes roses, moi, là. Hey, on a une chance de gagner. On n'a pas dit on s'en va pour la coupe. On dit qu'on a une chance de minime de peut-être gagner une game demain, là. Mais oui, mais on a une chance, mais... Mais Chris, voyons donc. Alors, regarde ça, OK. Parce première qu'on a pas game, peur là, de on rêver, a perdu en deuxième prolongation. On n'aurait pas gagné. C'est qu'on a perdu 2-1 avec le petit but à une seconde. On aurait pu s'en faire la prolongation pour la gagner. Puis hier, on a torché 6-2, tabarnak. On pourrait bien les gagner. Dans le fond, les gars, Jeff, je vais donner ça sur 4 games. Sur 4 games, ça arrivera pas. Sur 4 games, on s'est fait défoncer la nuque une fois. On s'est fait défoncer le rectum une fois sur 4 games. Sans loup, en plus. OK? Pas de lubrifiant, même pas avec un peu de beurre de micelle, là. Ouais. Un beurre de micelle. Tabarnak, on est-tu à Ricardo, là? Non, Ricardo, lui, il met du beurre full sel. Trois games sur quatre, t'as pas les ce que je veux dire là, par là, là, c'est que Montréal, là, oublie ça, il défonce pas tant pas cette année. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais juste ça que ça arrive. Alex, défoncer, non, mais ça a été ça. Regardez dans la face, t'es mon estime. Ouais, mais Alex, je comprends ce que tu veux dire. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais si Montréal amène. Disons. Non, mais là, tu me dis, oh, là, je suis content, sept, dans le fond. Okay? Mais la... pas en 7, en 6. Je m'en calisse. Non, impossible. Tout ce que je dis, impossible. C'est pas impossible. À part les deux games de 6-2, non. C'était très serré. C'est impossible. Les autres games, là. C'est impossible que Montréal gagne quand même. Ça, là, c'est les genres de oui, gars qui vont dire que t'aimes pas gagner juste parce qu'on... Quatre fois dans l'histoire de la Ligue nationale qui est plus de 100 ans, puis le Canadien de Montréal n'ont jamais gagné... Ben, personne n'a jamais gagné. Cinquième match. Hey, non, mais le Canadien de Montréal, quand il s'est mené 3-0, il n'avait jamais gagné une game. Il s'avait toujours fait éliminer en 4. Ah, oh, c'est drôle, hier, c'est arrivé. Ah, ben, on non, a non, vu dans le chat, il y a... Ça, c'est arrivé une fois, parce que même contre les Devils du New Jersey, quand Théodore s'est présenté, genre, aux fans, il avait gagné le quatrième match. Non, à chaque fois que le Canadien a perdu 3-0, on a toujours gagné. Théodore, il avait son saut de Burgundy. Non, il avait son saut du Canadien. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire du Canadien de Montréal que le Canadien a gagné un cinquième match. Pour ça revenir de l'arrière, la après toujours à première deux. Fois. C'est jamais... Ça arrivera pas cette année. Que... Les, les gars s'en calissent. Si ça arrive. Enlève-moi les si ça arrive. Là, puis dans le temps. Tant mieux. Mais ben, c'est ça. J'y crois pas, là. Allez, ouais, là. OK, dans le chat, on a maintenant Nick de la... Pas de la soirée du podcast, de Réto Nouveau qui dit ceci. Oui. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Que Dale Weiss nous réglait tout ça. Oh my god, oh. Si, mais non, mais c'est une belle naïveté. On parlait de rêve. On parlait de rêve. Ça serait plaisant, c'est sûr, certain, mais ça. Ouais, mais c'est pas lui qu'on attend. C'est pas lui qu'on attend. On attend pas des Louis. On attend notre top 6. Ouais, mais notre top 6. Le top 6, on s'est réveillé hier. On a compté 6 buts hier. On n'en manquera même plus. On a déjà dépassé le lot. Notre quota, il est passé. On l'a doublé, sacrement. C'est vraiment plate, mais oui, c'est vraiment plate, mais oui, c'est vrai. Ça, c'est une autre réalité du top 6. Ouais. C'est ouais. Que, oui, c'est je pense qu'on a d'autres chats à fouetter avant Plekanec. Bergevin, il y a un petit job à faire cet été. Oui, sur le top 6. Alex a écrit le studio. Je te fais chier parce que j'ai raison. Puis là, t'es comme fuck, je sais pas quoi dire. Il y a pas tort. Non, c'est vrai, mais quand t'es rendu que Dale Weiss, ça c'est sur le top 6. Si t'es pas bâché sur Plekanec, puis que tu regardes Dale Weiss qui joue sur le top 6, un autre qui manque de gaz. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Ça prend un autre gars. Tabarnak, toi, mais là, t'as la solution à tous tes problèmes. Il y a un problème, ça prend un autre. Non, cas. GF, sa solution, c'est pas compliqué. C'est quoi l'autre solution? On échange tout. Mais, on... mais c'est trop facile à dire, ça. Vide c'est... le club, vends le club. C'est pas vider le club, c'est de rajouter un gars de plus. Non, mais non, non, je l'ai la solution, moi. Il peut pas avoir plus que tant de joueurs dans l'équipe. C'est 23 joueurs. Ouais, mais quand t'échanges un gars, tu as un autre en retour, fait que tu restes au même crise de nom. La solution à GF, elle est très simple. T'échanges le Canadien, puis t'engages l'équipe de All-Star de l'Est. Toute la saison, les All-Stars. Ouais, j'aime ça. Ouais, là, est-ce que, on cherche un top 6. Noms, on cherche un top 6. Galchenyuk, c'est nous autres. On est un top 6, nous autres. C'est beau. Un top 6 en esti. Cheers to that. Attends une minute, t'as dit que Galchenyuk, tu l'échanges pas. Galchenyuk, je l'échange pas, Galchenyuk. Qui c'est qui a dit ça? Alex Rémy dans le studio, le top 6 est maintenant complet. C'est toi qui a dit ça? Présentement, Galchenyuk, je l'échange pas parce qu'il est trop tôt. T'as l'air d'un gros dans la tronc, man. C'est sa deuxième saison. Donne-y une chance. La troisième va être bonne. C'est la gang de la deuxième. C'est un jeune. On n'arrête pas de dire toute la saison qu'on ne sacrifie pas la jeunesse. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Il a bitch et ses parents. Il a loué une maison à Brossard. Il est ben trop tôt pour échanger. Toi, t'es ben trop Réjean Tremblay, tabarnak. Non, mais t'es ben trop dans les scoops locales. Comme Réjean Tremblay. Non, mais l'avantage dans l'automobile, c'est que tu connais les. Combien de fois par semaine il touchait à du coco? Galchenyuk? Ouais. Jamais. C'est très peu, très peu. Jamais, jamais, jamais. Tu sais juste quoi? La bonne. Il couche chez ses parents, c'ti. Il a choisi ça. Ses parents étaient pas à Brassard. Américain. Ouais, oui, il a loué une maison à Brassard avec ses parents. Mais non! Oui, je te le dis, Chris! Je vais te montrer les bills! Parce que le gars, tu vas travaille avec moi! Arrêtez, JF se tient au 10-30 la fin de semaine! Attends, il a dit, il va te montrer les bills! Je pourrais! Le PSX, je pourrais! Parce que je connais la personne! On veut des bills! La personne qui fait bill! Ah, t'es ben trop plugué! Il loue une maison, puis justement, il voulait l'acheter cette année! Ça dépend du JF a trop de contacts en ce moment, là! Il loue une maison à Brassard, ça fait 2 ans qu'elle loue. C'est quoi le rapport de toute façon? Mais ben là, t'es ben trop perdu. Non, je vais te mettre de quoi qu'on parle? On parle de quoi, là? Je sais pas. C'est débile, la Galchenyuk avec ses parents, man. Il habite chez ses parents. On est où, là? On parle de son compte Vidéotron. Moi, je m'en vais, tabarnak. Le gars joue de Centre Belle, est-ce qu'il a pris Vidéotron? J'ai chaud, puis je comprends rien. On peut-tu finir ça, ce show-là, comme du monde? On peut finir ça, ce show-là, comme du monde. Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. On finit chaud. J'ai envie. On dit au revoir, on va pisser, puis on s'en va. On finit ça sur deux super sans effet. Ouais. Quand on patine, on gagne nos batailles, qu'est-ce qui arrive? Ok, on a réussi à commettre. Faire Tampa Bay, avoir une on paye pour ce poste-là. Faire Tampa Bay, d'avoir une pétition. Faire pénalité B. Théo, là, il n'y a pas de question publique. Ça, ceci dit, là, il faut absolument, là, le Canadien, là, il faut. Quand on est battu, quand on s'est fait battre, là, ça prend. Là, pourquoi on s'est fait battre? Pourquoi? Parce que pourquoi? On pas pourquoi? Fort, on n'était pas premier sur la rondelle. C'est tout simple alors, que ça. Il faut s'asseoir, le dire. Il faut. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait lors du dernier match? Bien, il faut le faire ce soir. Il faut s'asseoir, le dire. Écoutez, pour bien finir le podcast en beauté, je pense. Ouais, faisons. Monte mon micro un peu. Parce que un, c'est un, deux, c'est pas assez. Mais il va opter pour la passe la plus facile à celui qui agit comme le maraudeur. Ah, puis tant qu'à ça, on va tous passer nos grands succès de la saison. Il est mieux de comprendre. Ouais, man. Classique. Dans le cas de René... C'est-tu cette année, ça? Oui. C'est dans le cas de René. Hey, ça a l'air loin, mais c'était au début de la saison, ça. On dirait que c'est passé, man. Ça, c'est oublié. C'est dans le cas de René. Tu peux attendre la désespération. Il a l'air décollissé de la vie, man. Ah, puis aussi, on a parlé de Markov tantôt. Ben, tiens, esti, Markov. On doit les passer, esti. Ça, la gang. De russe, hein? Ouais, ah, écoute, la fille est russe. Dans le cœur René. On dirait qu'il fait. Dans le cœur René. Décalissé de la vie. Le maraudeur. Il a pris 3 bras. J'en ai d'autres pour vous aussi. Il est sabrostre. Où c'est qui? Sabrostre. Prossi. Qui mange de la merde, tabarnak? Message à Prost. La merde, mais quel chien. Ça, c'est Prost. Mais quel chien de merde, qui mange de la calice de merde, stick! Qui a le chip qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui a le chip! Ah putain, on va se garder avec. Hey, j'ai un hostie de bon vidéo pour toi, faut que t'ajoutes la vidéo de Dr. Mayu qui parle de douche vulvaire. Ben, envoie-moi ça, on va le prendre en audio, esti. Ça sert à rien. Extrait audio aussi, faut avoir Claude Poirier qui dit. Faut être génie en hostie de manger des toasts à moutarde. Claude Poirier. Il est là! Il parle des. Ça fait 2-3 ans, là, tu sais, dans le temps des. Du printemps érable, puis il parle des étudiants, puis Mané, il fait. Ah, puis il est à TVA, salut, bonjour le matin, puis les étudiants, fuck y'all, esti! Il est dégueulasse. Il a dit fuck y'all. Qu'est-ce que ça? Claude Poirier. Mais je viens de sortir l'autre fois, mais je l'ai pas trouvé. Tu vois qu'il est déconnecté. Le pauvre homme. Hey, fuck y'all. Ben oui, t'sais, Poirier, là, lui, là. Le nez dans l'enfer du mal. Oh my god. C'est trop de malade. Il mange la merde. Ben écoutez, je pense que ça va prendre le tour. J'aime ça quand Malade fait ça. C'est qui mange la merde. Il vient comme avec une petite voix de gars chaud. Bon, oui. Fait que, on va expliquer aux fans ce qui va se passer pour les prochaines semaines de notre côté, en fait, là, ben pas grand-chose, finalement. Si on prend un break. Parce que là, non, on va regarder qu'est-ce qu'on passe pour le CH. Ça, si le Canadien passe le tempo, on revient assurément rapidement. Sinon, je pense qu'on va attendre la fin, que la coupe se gagne avant de faire le post-mortem, peut-être. On veut la conférence de presse de Marc, puis Michel, puis les joueurs. Peut-être un post-mortem, genre en juin, sur le balcon, ce serait pas pire, ça. Ouais. Vraiment un post-mortem de la saison complète. Là. Des games, là, c'est le Valcon. Ah, chaque game en est. Donc, à partir, de, à partir de lundi, on est prêt pour le post-mortem. Oh, c'est ça. On commence à faire un gars qui comprend. Non, non, mais toi, c'est à partir de demain. Toi, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, j'ai parlé de lundi. Toi, tu dis demain. Ben, c'est ça, mais ben, si on perd samedi, lundi, c'est le post-mortem. Alors, on va jouer lundi. Ceux qui nous écoutent mardi, vous saurez la vérité d'abord. Non, non, mais oui. On perd 2 à 1 en prolongation. Oh. But de Stamkos. Oh, Stamkos qui tient Stamkos, come on. Il est blessé, même. Stamkos. T'as dit le nom plus facile. Johnson me fait chier parce qu'il est tellement fort. J'ai dit le nom du gars qui a l'air plus fifi ici dans le club. Bon, mais il a une main pétée. Non, mais Stamkos, t'as jamais un gars chialé de même. Ben, Crosby. Oh! En tout cas, il chiale, ça cause que c'est à dire. Ah, si, il aurait pas de chialer. Qu'est-ce que t'as dit, ça me cause? Bon, ben, ça fait le tour de l'épisode 14. Fait qu'on se revoit pour l'épisode 15 si le Canadien passe en troisième ronde. Sinon, on se revoit pour le post-mortem de la saison 2014-2015 à la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde! À plus! Yeah.